Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui une semaine sur deux vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et évidemment Roman est là. Roman, comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va bien et toi ? Mais ça va très bien, on est là pour un épisode de saison comme ce qu'on avait sorti pour Halloween. Alors, a priori la date de mise en ligne sera un peu en avance, mais c'est un épisode qui est donc centré autour de Noël. De la Noël, voilà. Comme d'habitude, on a choisi trois films chacun. Toi, pour toi, un film fantastique ou d'horreur de Noël, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme ingrédient ? Eh ben, tu te rappelles, on avait l'échelle citrouille et bonbons, voilà, pour Halloween. Et là, on va avoir l'échelle sucre d'orge et cadeau, sucre d'orge et sapin. Sapin sucre d'orge, voilà. Ça me semble bon. Voilà, donc sapin sucre d'orge. Donc voilà, on aura une petite échelle sur laquelle on mettra sur 10, voilà, les films. Chaque film. Voilà, sur l'échelle sapin sucre d'orge. Et j'approuve totalement cette idée. Toi, le revisionnage, au moment, ça s'est passé comment ? Sans trop spoiler ton avis pour l'instant sur les 6 films. Ça a été, il n'y a pas eu de grosses collines à gravir. Ça a été globalement, il y a eu un film et demi, disons, qui était un peu plus chiant que les autres. Mais on en parlera en temps et lieu. Et toi alors, comment ça s'est passé ? Bah écoute, moi c'est globalement des films que j'avais déjà vus. Il y en a un où j'avais un souvenir qui était très chiant, très très chiant. Et en le revoyant ? Je l'ai un peu réévalué. Tu verras, il y a des trucs intéressants, il y a pas que du bien, il n'y a pas que du mal. Aucun film où ça a été vraiment dur, un où ça a été une déception. Juste un où en le revoyant, je me suis dit, ah, c'est... ça perd pas mal de plaisir. Je pense que tu peux deviner lequel. Et il y en a un que de toute façon j'adore, que je revois quasiment tous les Noëls, donc lui pour le coup c'est mon chouchou, c'est mon combattant que je défends. Et non, sinon globalement ça a été, je pense même que c'était avec... avec l'épisode sur l'Espagne, c'est peut-être l'épisode le plus simple où globalement ça a été à revoir. Oui, non mais c'est vrai que là les... Enfin, après, Espagne, il y a quand même eu des trucs chauds à voir, hein. Ouais, tu penses à Tracer le Cristal. Je pense à Tracer le Cristal, Perdita Durango, et même je me suis tapé Malveillance en plus pour l'Espagne, moi. Moi, c'est surtout Tracer le Cristal où c'était difficile. Mais là, pour le coup, c'était plutôt bien, un épisode plutôt facile. Et du coup, est-ce que tu veux dévoiler tes films ? Eh ben, je vais dévoiler mes films, parce que de toute façon, c'est moi qui ai les deux premiers dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai choisi Christmas Evil, de Lewis Jackson, si je m'abuse. Ouais. Et, ainsi que... L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick. Le classique de Noël. Le classico classique. Et mon troisième film, c'est Watch Out, ou Better Watch Out en VO, de Chris Peckover. Et alors moi, en ce qui me concerne, donc j'ai choisi Black Christmas, le remake de 2006. Pas le film le plus apprécié de la période, mais j'ai un avis dessus. J'ai également choisi Christmas Horror Story par trois personnes, pas forcément tous très intéressants, donc je vais détailler ça. Et Krampus de Michael Dougherty, mon film chouchou, mon film de Noël, c'est-à-dire qu'on peut regarder des téléfilms de Noël un peu nuls, moi je regarde Krampus. Donc je te propose qu'on attaque tout de suite avec Christmas Evil. Et ben attaquons tout de suite avec Christmas Evil. Donc Christmas Evil, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui un soir surprend sa mère en train de coucher avec le Père Noël, enfin avec... un homme qu'il pense être le Père Noël, et ça va un peu le marquer dans sa vie, et il va vouer toute sa vie à Noël, vraiment, il va vouloir être à fond dans cette fête. C'est le traditionnel le plus flippant de la planète. Hein, c'est... Voilà, d'ailleurs, il travaille dans une usine de jouets qui appartient à la famille du producteur, d'ailleurs. Voilà. Il travaille dans une usine de jouets, et le problème, c'est qu'il vit dans une société. Pour être exact, il vit dans une société de plus en plus cynique et où l'esprit de Noël est de moins en moins présent. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à jouer le Père Noël et le Père Fouettard avec les gentils et les méchants. Et les méchants vont get what they fucking deserve. Alors donc, le film est réalisé par Lewis Jackson, qui a réalisé un autre film, notable pour son titre, The Transformation, A Sandwich of Nightmares. Putain. Tout un programme. Voilà. Donc il l'a écrit et réalisé, c'est donc un film d'auteur. Au cast, on retrouve Brandon Maggart dans le rôle principal, qui a joué notamment dans Pulsion de De Palma. Oui, que je l'ai vu, je fais « Ah, bah écoute, voilà ce qu'il est devenu !» Dans pile 30 épisodes de Sesame Street, et dans un épisode d'Arabesque. J'ai l'impression qu'on établit une constante au fil des épisodes, et c'est pas la constante qui me plaît le plus. Yes. On a aussi Jeffrey DeMann, de Moon, je sais pas comment ça se dit, qui a joué dans 19 épisodes de Walking Dead, dans Burn After Reading. Fantastique, il a joué dans Arabesque. Pas encore. Dans The Majestic, dans La Ligne Verte, dans le premier film X-Files, The Mist, Les Évadés, Le Blob et Hitcher, il a une grosse carrière, quoi, Lucas. Une belle carrière. Voilà. Et on a aussi Diane Hull et Henry Fenwick, Andy Fenwick, qui ont joué dans rien de marquant. À la musique, on a Don Christensen, donc qui a été à la supervision musicale de Candyman 2. J'ai à peu près aucun souvenir de Candyman 2. Je l'ai vu, mais je n'ai aucun souvenir. J'ai pas vu. Et on a Joel Harris et Julia Hayward qui n'ont rien fait de marquant, à part que Julia Hayward a monté un club de Talking Heads. Ça va, ça se défend. Voilà. À la photo, on a Ricardo Aronovich qui a bossé sur beaucoup de films, mais rien de marquant, à part un film qui s'appelle Les Autres, mais pas chez Damenabar. Merde. Et un film qui s'appelle Yo Puta. Les Autres, c'est pas la suite des Innocents ? Non, je dis de la merde. Je crois que je dis de la merde. Je crois pas. Donc il y a un film qui s'appelle Yo Puta. Moi pute. En espagnol, donc. Mais pff, écoute, une suite de moi, Daniel Blake, 17 ans. Moi, César, 12 ans et demi. C'est cette vague de titres de moi quelque chose. Et aux effets spéciaux, parce qu'on va en parler des effets spéciaux, parce qu'il y a quand même un kill count faramineux de 4 dans ce film, mm-hmm. dont 3 dans la même scène. C'est-à-dire que vraiment, t'as 2 scènes où ça se lâche. Ouais. On a Tom Brumberger. Qui a bossé sur un épisode de la série Tales from the Dark Side. Oh, c'est vrai, c'est cool, Tales from the Dark Side. Donc, histoire de l'autre monde en français. Et il a été maquilleur sur le Mobile Blues de Spike Lee. Et il a joué dans un film qui s'appelle Don't Go in the House, ou en français Pyromaniac, un slasher avec un tueur au lance-flammes. Damn, ils ont tout compris. C'est sorti en 79. Ouais, j'étais en mode heureusement que c'est sorti avant ça, parce que putain, sinon c'est compliqué. Hein. Toi, tu veux démarrer par ton émission. Je pense que je suis un peu plus sympa que toi. Peut-être. Alors, donc j'ai rebaptisé le titre On vit dans une société Holiday Special. Donc, c'est un film d'horreur slash drame social. Vraiment mou, je trouve. Assez peu intéressant. Donc, l'histoire de ce mec qui idolâtre Noël et qui décide de faire le Père Noël et le fouettard. Est-ce que tu trouves ça très intéressant? Tu verras. Moi, je me suis noté quelques trucs parce que c'est sorti 2 ans avant un autre film. Qui m'a pas mal fait penser, je trouvais ça amusant de voir qu'il était sorti avant et pas après. Ah, film sorti en 82 ? En 76. Ah, donc putain, il date de 80 ? Il date de 80. Ok, donc j'avais mal compris, donc il est sorti 4 ans après un film dont je sais pas pourquoi j'avais 74 en tête. Mais il est sorti 4 ans après un autre film qui m'a beaucoup fait penser à lui. Ok. Donc je trouve qu'on a une mise en scène assez basique au final. C'est-à-dire que les scènes de drame sont. Ouais, les scènes d'horreur. Les deux scènes où ça tue sont sympas, mais après voilà, c'est pas non plus grandiose. Y a quand même le meurtre du petit soldat de plomb dans l'œil, où ça c'est... Qui passe bien, c'est dans la même scène où t'as deux meurtres à la hache. Mm-hmm. Et le dernier meurtre, c'est un meurtre à l'étoile de Noël qui coupe la gorge. Est-ce qu'on aime ? Ça passe. C'est l'esprit de Noël. Il est sympathique. C'est l'esprit de Noël, voilà. Comme je l'ai dit, un kill count assez faible au final pour ce film et où les meurtres arrivent quand même très tard. On va pas se mentir, pour un film d'horreur, l'horreur est. Enfin, c'est un horreur-drame quoi. D'ailleurs, le réel trouve ça. C'est un film qui s'est clairement fait grâce à Halloween de Carpenter. Oui. Mais le réel revendique que le film est plus dans l'esprit de Frankenstein. Je pense qu'il a une bien haute estime de son film, quand même. Oui, ou une bien piètre estime de Frankenstein, je sais pas ce que c'est, mais un des deux. Plutôt une haute estime de son film, voilà. quand tu vois ce qu'il a fait. Et la fin est pour le moins surprenante, avec... tu te rappelles de la fin ? Là, comme ça, je l'ai plus, c'est le tout premier que j'ai maté de la liste, donc là, comme la ça... La camionnette qui s'envole vers la lune. Oui, ça, ok, oui. Maintenant que je dis ça, oui. Avec les rênes, là. Oui. Avec bah, le dessin de traîneau de Père Noël, justement, sur la camionnette. Ouais, ça... Je l'ai. Ouais. Donc... Pour résumer, pour moi, Christmas Evil, c'est un drame moyen et un film d'horreur moyen plus, on va dire. Dans le sens où on va... Après, les films sociaux, c'est clairement pas ma carme. Moi, si on fait tout un film pour me dire qu'on vit dans une société, si t'as rien d'autre à me proposer, bah voilà. Mais là, ça se lâche, et ça se lâche plutôt bien. Bah, moi, en ce qui me concerne, j'avoue que les films sociaux, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais en fait, la première fois que j'ai vu, je l'avais trouvé chiantissime. Vraiment, je l'avais trouvé... infernal. Et là, en fait, on le revient, on sait à quoi ça... En sachant à quoi m'attendre, c'est-à-dire, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un espèce de Taxi Driver de Noël. Vraiment, c'est pour ça que je disais le film qui est sorti 4 ans avant. Et il y a les deux gros points forts pour moi, c'est déjà l'interprétation du personnage principal que je trouve vraiment tout à fait satisfaisante. Il arrive quand même à faire passer pas mal d'émotions. Et le côté, comment dire, pas étude de caractère, mais traitement de ce genre de personnage qui, en plus en période de Noël, moi je trouve ça donne vraiment un côté assez tragique au film, assez tragique et assez triste, mais on n'est pas dans le tire-larme, c'est pas un film qui va faire reconsidérer le tombeau des Lucioles. Mais c'est... Il y a une tragédie qui s'en dégage. Maintenant, on va pas mentir, c'est pas ultra intéressant. C'est-à-dire que ça a la volonté de proposer quelque chose autour d'un personnage dépressif qui a été marqué plus jeune, mais ça a un schéma très classique, trop classique, d'un personnage qui a un traumatisme, est complètement tourné autour de ça, et va juste péter un câble un jour. Après, il y a quand même des scènes plutôt chouettes, il y a des scènes où ça se lâche, mais juste même, il y a une scène qui est assez dérangeante, c'est la scène où il est avec les enfants. Il les observe pour voir qui est gentil, qui est méchant. Oui, c'est vrai, le début du film, ça. Ouais, ça met un peu mal à l'aise, quand même. Ça, pour moi, le plus gros défaut, ça vient de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est ultra plat, c'est limite du téléfilm. Il y a du plan fixe, il y a quelques zooms, ce qui fait toujours assez cheap. Donc, non, c'est pas quelque chose qui est très mémorable, qui est vraiment très intéressant, à vrai dire. T'as quitté à choisir les slashers de Noël qui sont sortis à la même période, il y en avait beaucoup, il y avait Silent Night, Deadly Night. Qui est sorti... Il y a eu toute la saga, là. Ouais, mais qui est sorti quand même après. Oui, mais c'est la vague des slashers années 80, il y a eu Silent Night, Deadly Night, il y a eu... To All A Good Night. Ouais. Qui est pas incroyable, mais qui se défend pas mal. Et même, enfin, dans les slashers de Noël, finalement, c'est pas quelque chose qui est ultra... Il y a des trucs genre Don't Call Till Christmas, des trucs comme ça. Ouais, ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui est ultra répandu. C'est pas la période qui est la plus préférée, bah, il y a eu Black Christmas. Et plus récemment, il y a eu l'horrible remake 2019 de Black Christmas, auquel on reviendra, je pense. Et le remake de merde de Silent Night aussi, qui est sorti en 2012, qui est... C'est pas Bloody Christmas, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est juste Silent Night, et okay. Il est dégueulasse. Vraiment, il est dégueulasse. Là, il s'appelle Bloody Christmas en français, je crois, non? Peut-être. Maintenant, Christmas Evil, j'aurais du mal à dire que c'est de la merde, mais c'est vraiment pas le film le plus intéressant, parce que pour moi, le plus gros problème, c'est que ça n'ajoute rien au classique film du bonhomme qui va péter un câble un jour. C'est-à-dire que le problème, c'est que Taxi Driver, c'est 4 ans avant, parce que du coup, si jamais c'était avant Taxi Driver, ça aurait été amusant, mais là, Taxi Driver, c'est 4 ans avant, et c'est quand même, bon, c'est quand même d'un autre tonneau, on va dire. Depuis, on a eu d'autres films qui font ça en mieux, il y en a un que j'aime bien, qui est un peu les films de droite qui s'assument pas, je sais pas si tu as vu, c'est Chute Libre de Schumacher. Oui, alors j'ai envie de le voir déjà pour enfin avoir toutes les rêves, donc les deux DC's. Mais pour le coup, on va dire c'est un bon. C'est vraiment le film de droite qui s'assume pas, mais ça fonctionne, on va dire. Ça fonctionne. C'est bon, Schumacher il fait de la forme, pas du fond. Et là, on va dire que c'est pas. Il a rien pour se démarquer à part le fait qu'il se passe à Noël et que juste il va péter un câble un jour. C'est dommage, maintenant j'ai appris, le film est culte aux États-Unis. Ouais, il a... Le film a une énorme fanbase. Un film ultra important. Pourquoi pas, je veux dire, je me dis qu'il doit avoir ses fans. Mais c'est pas ultra intéressant, c'est pas spécialement mou, mais juste tout... Si on a vu d'autres films du genre, tout est prévisible et anticipable. Et ça manque d'un vrai grain de folie pour vraiment, vraiment séduire, on va dire, sur un sujet pareil, notamment. C'est dommage parce que... Notamment en période de Noël, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un peu plus de... se servir plus de son contexte. Là, il bosse dans une usine de jouets, mais c'est jamais vraiment mis en corrélation avec le fait que ça se passe à Noël. Si, parce que c'est là qu'il va récupérer les jouets qu'il va donner aux enfants après. Oui, mais c'est juste dû à son boulot. Il va les donner aux enfants, mais je sais pas comment... Pour moi, ça manque de... J'aurais aimé plus de folie liée à Noël. J'aurais aimé, je sais pas, qui se servent de jouets pour... je sais pas, juste plus de folie. Bah si, justement, il y a ce petit soldat de plomb qui va planter dans l'œil du gars, après... Oui, mais c'est une ou deux scènes, c'est ça, il est oui. De Noël. Là où, vraiment, je... Oui. Après, l'avantage, ce qui est chouette, c'est que bon, récemment, je me suis fait beaucoup de trucs très très énervants. J'ai vraiment très très horripilant, beaucoup de films assez compliqués. J'ai vu la série Mercredi, ce genre de trucs. Et... C'est cool, Mercredi, en vrai. Non, c'est horrible. Ça aurait dû s'appeler Godspeed Girl, là, c'est infernal. Mais ce qui est dur, c'est que quand un truc est nul, enfin, ou un truc est énervant, ou en tout cas, il n'est pas intéressant, c'est bien quand il est court. Et là, pour le coup, Christmas Evil, il dure quoi, 1h20, 1h30. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Il est très court. J'étais très content, parce que je te jure que les films qui durent 1h50, et j'en peux plus, enfin, 1h50. Les films d'horreur qui durent 1h50 et... Qu'on rien à proposer. Il y a du gras, j'en peux vraiment plus. Genre, je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai vu le Lazarus Effect, je crois. Ah, il est je pas long. Je l'ai pas encore vu, mais. Ah, il est pas long, il dure 1h20, quelque chose comme ça, mais au bout de 40 minutes, j'avais envie. J'en pouvais plus. En plus, dedans, t'as. Comment elle s'appelle la réalisatrice de Don't Worry Darling? Ah, Olivia Wilde. Qui est pas une mauvaise actrice, hein, mais qui là, bon, écoute, elle est là, elle fait acte de présence. Donc voilà, Christmas Evil, pas ultra intéressant, pas détestable, mais rien de vraiment grandiose à proposer. C'est... Par contre, il n'est pas difficile à trouver. Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut le voir? Bah déjà en France, il avait été édité d'abord dans un premier temps chez Backfilm en DVD, et là il vient d'être réédité il y a assez récemment cette année, je crois, dans la Midnight Collection en DVD Blu-ray de chez Carlotta. Cette année, non, je crois que c'est l'année dernière. Parce l'année dernière. Il n'est pas dans le pack de fin d'année de Carlotta. Ouais. Donc, je crois que c'est l'année dernière, mais l'année dernière. Preuve, le fait qu'il soit réédité régulièrement, preuve qu'il a ses fans, hein, il a ce côté Midnight Movie. En fait, c'est quasiment un film de vigilante de Noël. C'est ça. Par contre, dans la Midnight Collection, je fais la pub comme un bâtard, mais cette année, on a eu La Course à la Mort de l'an 2000 et des temps de Blu-ray chez Carlotta, et ça... Et on a aussi eu... c'est eux qui ont édité Maniac Cop, aussi, je crois. Oui, mais il y a un moment. Mais oui, dans la même collection, il y a Maniac Cop, il y a les trois Basket Case, il y a Frankenhooker. Ouais, donc globalement, c'est du bon. Et il n'est pas dispo sur les plateformes en France Sur aucune plateforme en France. Mais il est sur Shudder aux États-Unis. C'est ça. Donc voilà. Bon, Christmas Evil, on passe rapidement dessus. Et il me semble que t'avais des titres alternatifs rigolos pour Christmas Evil. Ouais, alors... Est-ce que les Québécois nous régalent? Les Québécois nous régalent. Mais c'est le même titre qu'en Allemagne de l'Ouest, aussi. Mais juste traduit. Mais, ça me fait juste penser, tu connais le titre québécois de Cars? Les Bagnoles. Les Bagnoles. Oui. J'adore ce titre. Mais donc, Christmas Evil qui s'appelle aussi aux US You Better Watch Out, en référence bien sûr à la chanson Watch Out. Voilà. Je l'ai pas en entier. Il était renommé Santa, enfin le titre de quand il était encore en traitement de scénario, c'était Santa. Mm-hmm. Voilà. Et au Québec, c'est Terreur au pays des jouets. Oh, putain, le titre, il vend du rêve. C'est ça, et donc en Allemagne de l'Ouest, c'est Terror in Toyland. En fait, je me dis un truc, c'est qu'il je pensais juste comme ça, il surfe un peu sur cette vague des premiers slashers post-Halloween. Un peu, ouais. C'est-à-dire qu'avant, je sais pas, que Vendredi 13, 1, c'est 80. C'est 80, ouais. 80, et c'est à partir de Vendredi 13, ouais, 1 et 2, que ça va engager la vague, on va dire, des slashers fun, entre guillemets. Là, on est plus dans les slashers, quasiment dans l'approche que va avoir Black Christmas, où c'est avant tout une psychologie, c'est plus des films de psycho-killer que des slashers, en fait. Un peu, oui, parce que là où suis vraiment le tueur et voilà, c'est ça. Là où le film, aujourd'hui, est vendu, enfin, est catégorisé slasher, enfin, si vous essayez de le voir, abordez-le plus comme un film de psycho-killer. Ce sera peut-être une façon plus simple. Et en Italie, il est appelé Christmas Evil, un Natale macchiato di sangue, ou un Noël coloré de sang, ou un Noël ensanglanté. Et les Italiens, c'est toujours des génies pour trouver des titres, quoi, je veux dire, l'oiseau au plumage de cristal vent, j'adore les Italiens. Et mon titre préféré, évidemment, de tous les temps. Tu m'avais dit, c'était... Ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. Voilà, c'est ça. Si un jour on fait un épisode giallo, c'est le numéro 1 que je prends. Vas-y, et donc, maintenant on a le plat de résistance. Alors juste, sur l'échelle sapin-sucre-d'orge... Christmas Evil... Perso, c'est un petit 6. Si, j'allais dire 6. On s'accorde sur 5,5. Allez. On s'accorde sur 5,5. On s'accorde sur 5,5. Là, on arrive à la dinde de Noël de l'épisode. Ou là, c'est trouvé d'Halloween, en l'occurrence. Mais que tu es beau pour les métaphores, l'étrange Noël de Monsieur Jack. On se sert voilà. Dans le micro. Donc l'étrange Noël de Mr. Jack, ou... Enfin, de Monsieur Jack, parce qu'on est en France. Ou The Nightmare Before Christmas. Je pense préférer le titre original. Non, le titre français. Oui. Je pense préférer le titre français. Oui. Donc, The Nightmare Before Christmas, dans la langue de Jay-Z, est un film donc sorti le 29 octobre 93 aux US, le 7 décembre 94 en France, et le 24 octobre 2007 en France pour sa ressortie 3D. Il y a eu un an entre les US et la France. Ah, mais ça arrivait souvent à cette époque-là. Wouah, putain. Et donc, c'est réalisé par le grand Henri Selick. Qui a réalisé aussi... James et la pêche géante, c'est Coraline. C'est Coraline surtout que j'avais en tête. Coraline, le chef-d'œuvre Coraline. Et récemment, Wendell and Wild sur Netflix. Traumatisme d'enfance, Coraline. Ah oui, mais je le revois tous les ans, Coraline. Et à chaque fois, je me fais, putain, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai toujours du... Je l'adore, hein, mais à chaque fois que je le revois, t'as ce petit mouvement de... Ah, c'est, ouais, bah, ah, c'est sympa, la maman, là. Ouais, j'avais 9-10 ans quand je l'ai vu, Coraline, la première fois, c'était... Yeah. Ah, Coraline, c'est compliqué. Et surtout... Donc l'étrange de Monsieur Jack qui est basé sur un poème du grand Tim Burton. Voilà. Voilà. Mais le Tim Burton de la bonne époque, tu vois. Le Tim Burton d'avant 2000. C'est ça, donc c'est un scénario de Caroline Thompson adapté d'un poème de Tim Burton par Michael McDowell, pas Malcolm. Michael McDowell. Et si je dis pas de bêtises, Burton avait tenté plusieurs fois de l'adapter le poème, mais il n'avait pas pu avec Disney, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et c'est la productrice qui a... dont j'ai le nom, là comme ça je l'ai pas, mais qui a, attends, je me suis noté le nom, ouais. C'est la productrice qui avait poussé, c'est-à-dire que, voilà, c'est Denis Dinovi, si je dis pas de bêtises, qui avait poussé pour qu'il ait vraiment, on va dire, qui puisse faire comme il l'entendait, et pas avoir des contraintes de Disney ou autre. Okay, ouais, le film est sur Disney+, oui. Ski. Tu peux drifter de Pocahontas à l'étranger de Monsieur Jack, ça fait toujours un truc. Mais donc Caroline Thompson, donc la scénariste à qui on doit les scénarios de Edouard Romain d'Argent, La Famille Adams, Les Noces Funèbres, ou plus récemment Bienvenue à Marwen de Zemeckis. C'est pas le pire Zemeckis. Il est sympa. Il est pas bien, mais Zemeckis, voilà. C'est... Pinocchio. Ouais. J'attends de voir celui de Del Toro, putain. Ah, il est très très bon celui de Del Toro. Faut que je le vois. Et donc Michael McDowell qui a adapté le poème de Burton, qui a bossé sur Stephen King's Golden Tales. Alfred Hitchcock présente Tales from the Dark Side, à la fois 11 épisodes de la série et le film, il était scénariste sur ça, et La peau sur les os de Tom Holland, je crois. Ouais, Tom Holland. Ouais. Donc l'adaptation molle du genou de Stephen King. Que j'ai pas encore vu. Tom Holland, il s'est spécialisé là-dedans. C'est un business. Donc on précise Tom Holland, pas l'acteur, hein, le réal de Chucky, de Fright Night. Là, tu cites, c'est bon. Oui. Si on était complet, faudrait citer son Master of Horror. Allez jusqu'au bout. Mais Tom Holland, réalisateur de sympathique bisserie des années 80. Ouais. Et donc, évidemment, Tim Burton, parce que c'est d'après son poème. Tim Burton, est-ce qu'on le présente? Moi, je pense que c'est un des réals qui m'a fait aimer le fantastique. C'est-à-dire que très très jeune, j'ai vu les deux premiers Batman. Le premier a été un traumatisme à cause du Joker. Ah ouais? La scène où tu découpes son visage, ça m'avait beaucoup marqué. Quand il arrive, quand il sort de l'ombre, là... Le petit sucre, tu vois, ce genre de truc. Et après, j'ai vu Batman 2, qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué aussi. C'est peut-être ça qui a marqué mon amour du gothique. Après, je m'étais vu Edouard Romain d'Argent. Bon, j'ai enchaîné une trinité très longue. D'ailleurs, il a fait Edouard entre les deux Batman. Voilà ça. C'est d'ailleurs à cause de Batman Returns que c'est... officiellement Henry Selick le réal de Mr. Jack, c'est parce que Burton était occupé sur Batman Returns à ce moment-là. Mais vraiment, ce Burton, c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. Après, bon, je pense que comme tout le monde, sa carrière post-2000, c'est par à-coup. Il peut te faire Les Noces Funèbres, et encore Les Noces Funèbres, moi je me pose toujours des questions sur le fond du film, qui me fait lever un peu sur ça. Pour moi, c'est faut pas avoir peur de la mort, le fond du film. Mais il y a aussi un côté, le fantastique dérange. Parce que l'intrusion du fantastique va gêner. C'est ça qui... Va gêner un peu les réactionnaires, mais tu regardes les gosses oui, ils embrassent le fantastique. Je chipote, ça reste un putain de film par rapport à ce qu'il a fait d'autre, c'est-à-dire que bon, Dumbo, Charlie et la chocolaterie que j'adorais quand j'étais jeune, je n'aurais jamais dû le revoir. Je l'aimais beaucoup quand j'étais gosse, je l'aime toujours bien, même si le film de 71 est quand même mieux. Je sais pas s'il est mieux, mais celui de Burton, moi c'est... Je le revois et je me dis ouais, voilà, mais moi je sais que mon Burton préféré, c'est pas le plus populaire, mais c'est vraiment Sleepy Hollow que... Ah, Sleepy Hollow qui est incroyable. Je trouve fantastique. Incroyable. Moi, ça se tape entre... Frankenweenie. Je sais que t'aimes bien Frankenweenie. Il y a Frankenweenie qui est dedans, évidemment. Il y a Edward, il y a Beetlejuice. Ouais, mais le problème, c'est que Burton, si on fait un épisode spécial, il y a trop de trucs dont on pourrait parler. C'est un auteur qu'on adore et... On doit faire plusieurs épisodes sur Burton. Ouais, voir sa lente déchéance. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est-à-dire que Miss Peregrine, je sais qu'on aime bien Miss Peregrine. Ouais, oui. C'est un Marvel. Enfin, c'est un Marvel burtonien. C'est Harry Potter à l'école des X-Men, quoi. Tu t'as bien résumé. Mais mercredi, on est en désaccord, mais moi mercredi, j'ai trouvé ça... Jen Ortega est bien. Oui, mais c'est Jen Ortega. Oui, Danny Elfman est pas mal. Il fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi. C'est pas le même. On va parler de Elfman justement, parce qu'il a la pompe à Mr. Jack. La mise en scène de mercredi, mais j'avais envie de me crever les yeux, quoi. T'as aucune mise en scène des décors, t'as aucune mise en valeur de ça. Et même, je sais pas si c'est filmé comme je trouve n'importe quelle série pour ados. Normal, ce qui... De la part de n'importe qui, j'aurais fait ouais, c'est un bon produit, mais de la part de Burton, je fais ah, mais. Après Burton, il a fait que les 4 premiers épisodes. Oui, mais on peut se poser la question. Qui sont peut-être les mieux mis en scène, donc oui. Il reste quand même au-dessus. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que finalement tous les films de Burton, je pense surtout à Beetlejuice, ne sont pas une variation de La Famille Adams? Il y a un peu de ça, oui. Vous avez 4 heures, la seule différence, c'est que là, il a mis des rayures. Vas-y, je te laisse reprendre sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, donc au casting, alors je vais commencer par le casting VO. Donc on trouve Danny Elfman dans le rôle de Mr. Jack pour les chansons. Ouais, celui qui chante, ouais. Qui chante, mais aussi qui fait la voix d'autres personnages. Et donc pour Jack Skellington, pour les dialogues, on a Chris Sarandon. Fright Night. Le vampire. Oui. Yes. Voilà. Et on a, entre autres, Catherine O'Hara dans le rôle de Sally. Okay. La mère McAllister de Maman, j'ai raté l'avion. La belle-mère de Lydia dans Beetlejuice. Elle s'est spécialisée dans les rôles de Daron. C'est ça. J'ai revu Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 récemment. C'est toujours des masterclass. Il est bien le 2. Ah, il est très bien le 2. Moi, j'ai vu que le 1. Ouais, dans le enfin, 2, que le 1 et le tout dernier, là, c'est ouf. J'ai pas vu le dernier. Mais non, pas bien. Bah, j'ai grandi avec les trois premiers, moi. Ça se défend. Le 3 où il y a Scarlett Johansson. C'est ça, le 3, Scarlett Johansson. C'est ça, ouais. Et à la VF, alors je vais citer quelques petits comédiens vite fait. On a Olivier Constantin en Jack, donc, qui est à la base un chanteur et un choriste qui a fait notamment les bacs pour Johnny et Sardou. Oui, bon, ok. Voilà. On a Bernard Tiffen qui joue le rôle de Finkelstein, qui donc, est à la voix de Christopher Walken, Chuck Norris, Anton Ego dans Ratatouille. Mm-hmm. Voilà. Daniel Beretta, notre Schwarzy national. Le fameux. Disons que c'est un des rares films où je pense que la VF est aussi bonne que la VO, voire mieux sur certains personnages. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Tiens, pour moi, les excellentes VF, c'est genre Jurassic Park, De la Mort et De la Morée et surtout Volteface. Les okay. Valeurs de la famille Adams, et la famille Adams d'ailleurs. Surtout. Ouais, la valeur de la famille Adams aussi, bien oui. Vu, bien vu. Mais là, pour le coup, l'étrange Monsieur Jack, je l'ai découvert en VO pour cet épisode. Et j'avoue que la VF me manquait un peu parfois, mais les musiques en VO, la voix de Danny Elfman, oh oui. Dieu. Et on a évidemment dans le rôle de Oogie Boogie, Richard Motherfucking Darbois. C'est lui ? Oui. C'est Kermit. C'est Kermit de Richard Darbois, non, il fait... Peut-être, mais Richard Darbois, c'est Harrison Ford, c'est Jeff Goldblum, Danny Glover, Richard Gere, Dan Aykroyd, Buzz l'éclair, le génie d'Aladin, Albator, Biff dans Retour vers le futur. Ah, oh, c'est l'enfance d'à peu près tout le monde, en fait. Je suis en train de vérifier, parce que ça se trouve, je dis... C'est pas du tout Kermit, c'est Roger Carrel pour Kermit. Ah oui, Roger Carrel, mais oui. Je m'en excuse. Mais Roger Carrel... Richard Darbois. Mais Roger Carrel et Richard Darbois, mes deux dieux du doublage, Donald Renew arrive après, mais... La VF est exceptionnelle. R.I.P. en peur, Roger Carrel d'ailleurs, mais. Il est mort. Il est mort il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais la VF est incroyable sur l'étrange Monsieur Jack. Oui, non mais c'est. Et Daniel Elfman, t'as noté les rôles qu'il fait à côté des chants de Monsieur Jack ? J'ai pas noté, il fait des petits villageois, il fait un des trois gosses, je sais plus s'il fait. Alors les trois gosses qui s'appellent Lock, Stock and Barrel en VO. Ben, pour moi, c'est. Et qui s'appellent Amstram et Gram en VF. La voix où je me suis dit qu'elle ressemblait à Monsieur Jack, c'est celui avec le masque rouge. C'est le petit démon là. Oui, je crois que c'est lui. Je me suis dit que la voix avait une similarité. Je suis pas profiler, donc je peux totalement me tromper. Voilà, donc à la BO, on retrouve évidemment Elfman. Le monstre. Le GOAT. Enfin, surtout, Elfman sur cette BO, mais il est possédé. Quoi, c'est ça. Il compose peut-être une des 10 plus belles BO de tous les temps. Et pourtant, il a une déclaration assez marrante sur la composition de la BO. C'est quoi ? Bah, c'est que c'est apparemment le travail le plus facile qu'il ait eu à faire. Ouais, non, mais... Parce qu'il se sent très proche de Jack. Le gars, il a composé tout le film et il a écrit 10 chansons. Non mais j'aimerais bien faire des trucs aussi faciles que ça. Mais la BO L'étrange même Monsieur Jack, sans déconner, c'est hallucinant. Et c'est des musiques. Il y a des reprises que j'aime bien. Moi j'aime bien la reprise de Manson. De Manson, de This Is Halloween. On aime ou pas Manson, mais qui moi passe. J'aime bien. Moi j'aime bien, mais j'aime bien ce que fait Manson musicalement, en général. Et j'aimais bien. J'avoue que c'est un peu plus compliqué à écouter aujourd'hui quand même. Et mais les originales, c'est incroyable. Mais je veux dire, si vous avez jamais vu le film, déjà voyez-le, mais c'est simple, vous lancez les 5 premières minutes, si vous n'avez pas la musique en tête, c'est pas possible. La musique est folle du film. Et oui, non, mais toute la BO est incroyable, et mais juste voyez-le. Oui, mais c'est vraiment, mais Danny Elfman, c'est peut-être un des 5-10 compositeurs préférés. Oui. Dans les 5, il est dans les 5. Moi, il est dans les 2, je dirais, avec John Williams. Ouais, moi, il est dans les 5, je pense, parce que genre... Après, c'est un peu triché de dire John Williams, parce que ouais, le mec, il a tout composé, John quoi. John Williams, c'est un peu comme Hans Zimmer, je veux dire. Tu sais, tu regardes un film, tu vois Hans Zimmer ou John Williams, tu vas, bah oui, ok, normal. Non, mais oui, évidemment, Elfman... Elfman, c'est lui qui a déjà, de base, a fait la BO d'Edouard Romain d'Argent, je ne peux que le respecter. Edouard Romain d'Argent, mais même si on quitte Burton, il a fait le thème de Men in Black, de Spider-Man... C'est lui Spider-Man aussi. Et oui, le générique des Simpsons, c'est lui aussi. C'est lui ? C'est lui aussi. Oh putain. Voilà. Non mais Elfman est partout. Et il est super sympa. Enfin en interview, en tout cas, il a l'air super gentil. Il est très rigolo. Enfin très humble, très très humble, pardon, surtout. Donc c'est plutôt amusant. Mais je te laisse continuer. Trop de choses à dire. Oui. Et donc, à la lumière, on retrouve Pete Kozachik. Qui était chef-op sur James et la pêche géante, Les Noces funèbres et Coraline. Ça va, il est bon. Et qui a aussi bossé sur les effets de L'Aventure intérieure, SOS Fantôme 2, Robocop 2 et 3, James et la pêche géante. C'est les effets spéciaux ? Ouais. Robocop 2, L'Aventure intérieure, quand même, ça se pose là. Starship Troopers, Les Noces funèbres et. Il a fait Starship Troopers, il a tout mon respect. Alors, il était. Je crois qu'il était chargé de l'éclairage, des effets spéciaux, des choses comme ça. Voilà. Très honorable. Et le pire Star Wars, à savoir L'Attaque des clones. C'est le 2 ? Oui. Tu connais mon amour assez limité pour Star Wars, donc le 2, moi je le connais à travers les mèmes, hein, c'est tout, hein, je m'arrête là. I don't like saying that. Ça ou celui. Ça ou la musique est cool. Oui. Oui, mais après, encore une fois, c'est John Williams. Voilà. Voilà, donc. Je veux bien dire ce que je pense du film, mais dans mes notes, j'ai juste mis chef-d'œuvre. Et après, j'ai listé tout ce qui était absolument parfait dans le film, à savoir l'animation stop-motion, la mise en scène, la lumière, les chansons, l'histoire et les décors, que ce soit pour Halloween ou pour Noël. Tout dans ce film. Ah, génial, génial. Qu'en penses-tu? C'est compliqué en fait de dire les choses parce que c'est peut-être le film le plus connu et en même temps au début j'avoue que j'étais un peu réticent, genre il est un peu trop connu mais en même temps comment ne pas le prendre? C'est-à-dire que ouais tu l'as dit c'est l'animation elle est folle, Et c'est oui. l'animation, enfin, surtout ça vieillira jamais, ça peut pas vieillir parce que c'est tellement détaillé, il y a tellement de détails en arrière-plan, même dans les personnages qui. Enfin, même pourtant c'est un film que j'ai séché quand j'étais plus jeune, que j'avais pas revu depuis un bout de temps, et que j'ai revu, et là à chaque fois je me dis mais putain c'est incroyable. Les musiques, Danny Elfman, juste, enfin, entre What's This, This is Halloween, La Complainte de Sally, enfin bref, tout, Tout, c'est tout, tout, incroyable. tout. Les voix sont géniales. La réalisation qui est. En même temps, je pense que Burton était plus que producteur sur le projet. Je pense qu'il était bien présent. Parce que t'as des trucs genre le plan ultra célèbre de Jack devant la lune, c'est, tu sais, sur la branche là, Oui, c'est enfin, typiquement. sur la colline. Ouais, c'est typiquement un plan à la Burton, ce genre de truc. Oui, mais même la colline qui est en spirale, Voilà, qui. même la mise en même la mise en valeur de certains décors, genre dans la ville d'Halloween ou autre. Enfin, des images, t'as des images qui restent en tête, mais à vie. Je veux dire, moi l'image Après, c'est de. lui qui a conçu les décors et les personnages, enfin, le design des Ouais, personnages et ça. des décors. Moi, l'image de Jack qui s'ouvre la bouche comme ça a été un traumatisme assez jeune quand même. J'avais oublié, mais le film est super drôle en fait. C'est-à-dire que Ah, le mais personnage oui! de Jack, déjà, il est vraiment drôle. Jack qui se déguise en Père Noël, c'est très drôle. Jack qui se déguise en bonhomme de neige, c'est très drôle. Ou quand il y a une scène qui m'a éclaté, genre, je l'ai fini, j'étais à mon école en fait, un cours terminé, j'avais le film qui se terminait à côté. Et lorsqu'ils vont doivent kidnapper le Père Noël, et tu te rappelles qui ramène Le lapin de le Pâques. lapin de Pâques, et en fait c'est vraiment juste un gros lièvre en fait, et j'ai explosé de rire en voyant ça parce que je me rappelais pas. Et au-delà de ça aussi, il y avait un truc que j'en avais pas, c'est que le film est super touchant. C'est-à-dire que le personnage de Jack, Et profondément il triste. est ouais, vraiment triste, en même temps bien écrit, la voix elle est parfaite. Enfin, c'est une espèce de somme de talent qui arrive peut-être une fois tous les 20 ans, je sais pas, Oui, non mais. avec Burton à son meilleur, Henry Selick, il a pas fait beaucoup, j'ai pas vu son dernier, mais Coraline, James la pêche géante, et ça, c'est des masterclass, hein, vous pouvez y aller Bah, sur les d'ailleurs, il y trois. a, y a Jack dans J'aime la pêche géante. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle, alors je l'ai vu une fois très jeune, Moi j'ai été aussi. traumatisé. Moi aussi, j'ai pas été traumatisé, mais juste j'en ai pas de souvenir. Mais j'ai vu qu'apparemment, ouais, il y avait Jack dans J'aime la pêche géante. Mais ouais, globalement, c'est un génie. Danny Elfman, on a déjà trop parlé, mais voilà. Et Denise Dinovi, du coup, la productrice que j'ai notée, parce que du coup, j'ai pu vérifier un peu, elle a bien poussé pour que le projet se fasse et qu'il ait les coudées franches. C'est vraiment juste une somme de talent totale avec un mélange parfait entre imagerie horrifique au profit d'un conte de Noël. C'est difficile de dire des choses qui n'ont pas été dites sur le film, mais juste, si vous l'avez pas vu, découvrez-le, foncez, vous avez une chance incroyable de ne pas encore l'avoir vu. C'est. Ouais, surtout le film, il dure 1h20. Quoi. Il 1h15, ouais, un truc y a comme ça. 1h15, 1h20, il se fait tout. Et en 1h15, 1h20, il se passe 200 trucs Par contre, aussi. vraiment, mettez-vous dans des conditions, c'est-à-dire le matez pas sur votre ordi ou sur Non, votre non, portable, c'est alors vraiment. sur un grand écran avec un Grand écran système son à fond, ou quoi. alors là, sur une télé, mais vraiment, mettez des décos de Noël ou d'Halloween, Les deux ce que vous passent. voulez. Et surtout, c'est un film qui arrive à créer un univers. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Qui crée un univers avec très peu. C'est-à-dire, moi, genre, le film se termine, j'ai qu'une envie, c'est de fouiller toutes les portes des fêtes là. Parce qu'en fait, au début du film, il y a plein de portes, une qui mène à, je sais pas, Thanksgiving, Thanksgiving, Pâques la et tout. Saint-Patrick. Moi, j'ai envie de tout fouiller, voir ce qu'il y a derrière. Mais voilà, enfin, c'est. J'imagine la porte de la Saint-Patrick, t'arrives juste en Irlande et tout le monde est torché. T'arrives en Irlande, il fait moche et les gens disent, Welcome to Dublin! Mais c'est un film assez dingue et. Ouais, c'est vraiment difficile de trouver des choses qui n'ont pas été dites. Enfin, zéro, même le chien Mais zéro oui! qui est génial. Enfin, Le souci du détail, comme quoi le nez, c'est une ouais, citrouille. Le nez, c'est Jack O'Lantern, c'est trop bien. l'animation, je te comprends pas. C'est un film incroyable. Et qui. Ouais, c'est une somme de talents incroyable. Il y a un nombre de scènes cultes dingues. Moi, la scène que j'adore, je pense que c'est ma scène préférée, c'est quand Jack découvre la ville de Noël avec What's Oui. This, qui je pense est mon morceau préféré. Ou surtout de savoir que c'est Danny Elfman qui chante, tu te dis, mais. Voilà, enfin bref. Voyez-le, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est. Si vous êtes fan de Burton, vous ne pouvez qu'aimer. C'est pas possible, honnêtement. Je connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas le film, et je crois même que j'en ai jamais rencontré, en Moi non fait. plus. Mais voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu. J'ai juste quelques petites anecdotes sur le film. Vas-y, vas-y. Ah d'ailleurs, je vais. Déjà, je ne savais pas que le Net Zero était une jack-o'-lanterne. Je suis en train de regarder l'image, je vais regarder l'image à l'instant, mais je ne savais. Disney, en 2001, avait pour projet de faire une suite à Mr. Jack. Quoi ? Oui. Jamais. En CGI. Non, jamais. Et Burton, il s'y opposait, il a dit qu'il trouvait que le film avait déjà une sorte de pureté et que le public aimait bien ça. Et qui juste, il voulait pas gâcher ça en foutant Jack à Thanksgiving ou des trucs comme ça. Bah, surtout, ouais, ça, moi j'ai envie de découvrir l'univers, je disais ça, mais c'est un film qui se suffit très bien à lui-même et dont la stop motion est indissociable du film. C'est pas imaginable pour moi de faire le film en CGI, il faut pas faire ça. Burton a eu l'idée d'écrire son poème quand il a vu un magasin changer les décos d'Halloween pour des décos de Noël. Ça se tient. Voilà. D'ailleurs, au passage, le poème de Burton, il est disponible sur YouTube et dans les bonus du Blu-ray, narré par Christopher Lee. Mais de toute façon, on fera le bilan après de où est-ce qu'il est trouvé. Oui. Lui, c'est peut-être le plus facile à trouver. Oui. D'après Elfman, donc comme j'avais dit, c'est le travail le plus facile, mais bon, ça, qu'il lui a fait, mais voilà. Oui, je ne comprends pas, mais pourquoi pas. T'avais déjà dit. À la base, c'était Elfman qui aurait dû jouer Jack aussi dans les dialogues, mais sa voix sonnait pas, sa voix allait pas pour les dialogues, donc ils ont engagé Chris Sarandon qui a une voix, quand il parle, à peu près proche de la voix de Elfman quand il chante. Mais on voit quasiment pas les transitions. Donc voilà. Ce film a nécessité quand même le travail de 100 personnes sur 3 ans. L'œuvre d'une vie. Mais après, la stop motion, ça prend tout le temps du temps. Enfin, je veux dire, la stop motion, c'est colossal comme ça. Tu déplaces au millimètre à chaque fois. Quoi. C'est ça. Et là, pour le coup, en avant, c'est hallucinant. Genre, les personnages, ils sautent, c'est ultra fluide. Oui. Et alors, un truc, c'est que Patrick Stewart aurait dû jouer la voix du narrateur, mais il a été remplacé par Ed Ivory, qui joue aussi le Père Noël. Même si on peut entendre Patrick Stewart sur l'album de la BO, apparemment. Ah, ça, j'avoue que j'ai pas. Qui fait l'intro, justement, de Halloween, tout ça. J'ai pas revérifié. Et Vincent Price aurait dû jouer le Père Noël. Ça aurait été marrant. Genre, mais... Vincent Price et Christopher Lee, genre, ils auraient un lien en plus, ça aurait été rigolo. Mais Christopher Lee qui fait le poème. Oui, c'est vrai. Mais ça se serait fait. Enfin, ça a été fait très peu de temps après la mort de la femme de Vincent Price. Oui, bon, compliqué. Et sa santé a commencé à se dégrader et sa voix aussi par conséquent. Ah, bien. Et d'ailleurs, le film est. Le film a été diffusé en avant-première quelques jours à peine avant la mort de Price, et il est sorti en salle quelques jours après sa mort. Triste. Et dernière anecdote, Oogie Boogie aurait dû être en fait le docteur Finkelstein déguisé. Mais Burton s'y opposait. L'idée est débile, parce que le docteur Finkelstein, c'est pas un méchant de base. C'est juste qu'il se sent seul, c'est pas un méchant. Voilà. On passe à la suite. On va juste du coup dire où il est disponible. Oui, il est sur Disney+. Il est sur Disney+, et bien sûr, il est dispo en Blu-ray et en Blu-ray 3D en France, édité par Disney. Il y a des belles éditions à part celle-là ou pas ? Il y a un steelbook britannique édité chez Avi, enfin qui est disponible chez Avi, je sais pas s'il y a eu qu'une édité, mais qui est un steelbook assez basique où t'as juste la tête de Jack en rond. Mais du coup, t'as pas le Blu-ray 3D dedans ou quoi ? T'as juste le Blu-ray de base. Je crois qu'il y a le Blu-ray 3D, il doit être disponible en 4K aussi probablement. Okay. Lui, globalement, c'est simple à trouver. Voilà, il est facile à trouver. Alors donc on passe au film suivant, alors là on arrive peut-être dans le terrain de Discord, puisqu'on arrive sur Black Christmas, alors non pas l'original mais vraiment le remake de 2006. Alors donc comme j'ai dit, donc c'est un film sorti en 2006 qui est le remake du classique de 74 de Bob Clark. Je pense que c'est pour ça que je pense à 74 tout à l'heure parce que j'avais ça sous les yeux. Donc il dure à nouveau très facile, 1h30, passe tout seul, 1h30 dans sa version uncut, je vais y revenir. Voilà, j'y reviendrai aussi. Réalisé par Glenn Morgan. Alors Glenn Morgan, c'est un pote de James Wong. Alors James Wong, c'est quelqu'un, on lui doit Destination Finale 1 et 3, ça c'est cool. Mais à côté, on lui doit quand même Dragon Ball Evolution, ça c'est compliqué. On lui doit The One avec Jet Li, c'est peut-être le pire film de la carrière américaine de Jet Li, c'est horrible. Glenn Morgan, en fait, James Wong et Glenn Morgan, c'était avant tout des scénaristes, notamment sur la série X-Files, je crois même que Glenn Morgan la produisait. Et c'est les bons scénaristes, hein, vraiment, ils ont fait des très très bons épisodes. Et Glenn Morgan, juste avant, avait réalisé le remake de Willard, qui est un très bon remake, je trouve. J'ai vu ni l'original ni le remake, je t'avoue. Le remake est très très bon, c'est avec Crispin Glover, qui est un des rares films qui exploite vraiment bien Crispin Glover, ce fameux acteur qui, quand il te regarde dans les yeux, te fait peur. Il a été aussi dans le cabinet des curiosités de Del Toro récemment. Il joue dans l'épisode 6. Crispin Glover, on est d'accord, c'est le père McFly. Je crois. Oui, c'est ça, oui. Le père ou le frère, il me semble. Non, le père, il a pas de... Enfin, le frère, tu le vois très peu. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Retour vers le futur. Alors, au scénario, on a Morgan qui se base sur le film de Bob Clark. Son Bob Clark produit le film, il a donné sa bénédiction. À la photo, on a Robert McLachlan qui est un troubadour des années 2000, c'est-à-dire qu'il a fait Destination Finale 1, 2 et 3, Dragon Ball Evolution, Cursed, qui est un film de Wes Craven qui porte très bien son nom. Faudrait que je j'avais bien aimé la première fois. Mais ah, le loup-garou genre... qui font des doigts en 3D, là, c'est compliqué quand même. Hein. Il a fait la photo, il avait aussi fait la photo de Willard. Mais il y a Christina Ricci et Jesse Eisenberg. Ouais, mais il a quand même une photo, il a quand même compliqué. Curse, mais surtout, c'est un film, il a eu quoi? Il a eu 4 ans de développement. Elle, c'est un enfer, ce truc. Il a également fait la photo de Willard, donc le remake dont je parlais juste avant. À la musique, on a Charlie Walker. Tout pareil, c'est-à-dire que Destination Finale 1, 2 et 3, Batman et le Masque du Fantôme, ça c'est très bien. Le Fantôme Masqué. Le Fantôme Masqué, je sais plus. Et Escape from LA. Ok. Toi, Carpenter. Au casting, alors au casting, c'est des tronches des années 2010. Hein. C'est vraiment, on a Katie Cassidy qu'on a vu dans le putain de Freddy 2010, qui est quel enfer, dans Taken, dans When a Stranger Calls, donc voilà. Michelle Trachtenberg, qui est jouée dans Mysterious Skin, ça c'est très bien. Et évidemment, la magnifique, la sublime Marie-Elisabeth Winstead. Tu dis Winstead? Je dis Winstead, bah comme tu dis Instead. Moi, je sais pas, j'aurais joué que c'était Winstead. J'ai toujours entendu Winstead. Mew, j'ai toujours appelé comme ça, qu'on avait vu bon, dans Scott Pilgrim, enfin... Birds of Prey récemment. C'est Ravonna dans Scott Pilgrim. Ramona. Ramona. Je me perds. Donc, alors, synopsis, alors, moi, nous, j'ai pompé sur les années 60, j'ai pompé sur Allociné, voilà, c'est très mauvais. Donc, dans les années 70, le jeune Billy assassine sa mère et son beau-père, qu'il avait reclus au grenier pendant toute sa jeunesse. L'homme est incarcéré dans un hôpital psychiatrique, mais prépare son évasion quelques années plus tard. Son ancienne maison servant de repère à une sororité d'étudiantes, ces dernières commencent à recevoir des coups de fil leur annonçant une série de meurtres à Noël. J'en dis pas trop, pour l'instant. Voilà. Alors... Ça, même si on va divulguer comme des bâtards. Ah, évidemment. À sa sortie, le film s'est fait complètement déboîter. Vraiment, le film s'est fait complètement allumer. Il est rentré dans ses frais, mais sur 9 millions, tu me diras, c'était pas très compliqué. Et la critique l'a complètement défoncé, en reprochant manque d'originalité, tout ça, tout ça. Alors, Morgan a déclaré que alors, le film est produit par les copains, non, les pas copains Dimension Films. Qui donc les Weinstein, voilà, les Weinstein, et Glenn Morgan a déclaré que Dimension Films les avait, texto, c'est lui qui dit, j'ai fait que traduire, les avait sévèrement fait chier, surtout à propos du ton du film et de la fin, c'est-à-dire que Morgan voulait rester beaucoup plus premier degré, là où les Weinstein disaient non mais faut de la légèreté, faut de l'humour et tout ça, merci à eux, c'est faux, et notamment la fin a été retournée, c'est-à-dire qu'à la base, la fin, ça devait juste finir sur, elles vont à l'hôpital, elles reçoivent un coup de fil mystérieux, hommage au premier, et au lieu de ça, on a une fin qui est pour moi, le gros problème du film, qui tire en longueur, qui est pas très utile, c'est qu'il y a deux cuts, nord-américain et européen. Le nord-américain est plus long, l'européen fait 1h25. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes ont été tournées pour les bandes-annonces. C'est-à-dire que si vous voyez les bandes-annonces, t'as plein de scènes qui sont pas dans le film. Et il faut savoir que le film existe en deux cuts, en version censurée et non censurée. Il faut voir la non censurée, parce que la censurée... En trois cuts même. Non censurée, censurée et... Et je sais pas, mais le Blu-ray allemand qui sortit récemment, il a trois cuts. Sûrement ouais. Une version télé ou un truc comme ça. Peut-être. Mais en tout cas, bref, voyez la version qui fait 1h30, 1h32, je crois. 35, je crois, non ? Je sais pas, mais le générique est très long, donc ça triche. Mais avec le générique, c'est 35. Voyez la version la plus longue, parce que le film est extrêmement violent. Enfin, extrêmement. Le film est très violent. Oui. C'est peut-être un des slashers les plus violents des années 2010, en tout cas les plus crades. Et la version censurée coupe. Tout, la version censurée coupe absolument tout. C'est-à-dire vraiment, il y a plein de plans qui sont raccourcis, il y a carrément des scènes qui sont enlevées, notamment autour du twist entre guillemets de fin. Donc vraiment, la version censurée, c'est, bon, les Weinstein s'en sont fait une spécialité, ça flingue le film. Vous voyez vraiment la version longue. Et avant d'attaquer sur le film. Ah ouais, alors j'ai le truc. Donc il y a trois cuts, il y a un cut de 84 minutes. Donc celui-là, faut pas le voir. Qui est donc la version européenne. Il y a un cut de 90 minutes qui est rated R et un cut de 92 minutes qui est non censuré. C'est le 92 qu'il faut voir, c'est le 92. Et avant d'attaquer sur le remake, très mauvaise réputation, on parlera pas du 2019 qui est, je pense on est d'accord, une énorme merde. Une grosse de basse, oui. Qui oublie de faire, je sais pas, qui oublie de faire un film en fait, à côté de son message, donc c'est bravo à lui. Mais quel est ton rapport, toi, à celui de 74? Est-ce que tu l'aimes bien ou pas trop? C'est un film que j'aime bien, sans beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est un film que... Je l'ai vu deux fois, je crois, le Black Christmas original. Et les deux fois, je le regarde, je me dis, ah, c'est sympa. Et je l'oublie assez vite, en fait, le Black Christmas original. Je le trouve pas très très marquant. Moi, pour le coup, je dois admettre, c'est un film. La première fois que je l'ai vu, je l'avais pas du tout m'en foutais un peu. Mais quand je l'ai revu, je me suis dit, il y a un truc, surtout, il y a une mise en scène assez implacable, qui est assez impressionnante. On parlait en antenne de gestion de l'espace. Il est très très fort là-dedans. Oui. Il y a vraiment une ambiance assez glauque qui s'en dégage, et plein de prémices du slasher, on l'a déjà dit. Hein, mais ah, surtout, voilà, on est 4 ans avant Halloween. C'est un truc qui a été dit et redit, mais il y a les points de vue POV du tueur, bref, toutes les bases du slasher. La scène d'intro dans le grenier qui est devenue culte avec le sac plastique. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'est Black Christmas original, moi je l'aime beaucoup. Alors je vais attaquer sur le remake avant, parce que je vais défendre mon bon poulain quand même. Pourquoi est-ce que j'aime ce remake? Alors, c'est pour moi sa plus grande force, c'est en même temps sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire que le casting de Noël, à l'exception de Marie-Elisabeth Winstead, C'est pas terrible, c'est pas très bien écrit, je sais peu dire de dire ça, c'est pas très bien joué. La mise en scène, c'est bon, c'est pas incroyable, c'est fonctionnel, mais ça m'a, c'est pas non plus transcendant. En fait, on est vraiment dans un téléfilm de Noël. Mais je trouve que du coup, ça lui donne un côté téléfilm de Noël gore, qui fonctionne assez bien sur moi. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a des lumières, il y a, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas un plan où il n'y a pas une guirlande. C'est hallucinant, il y a des guirlandes partout. C'est vraiment espèce de débauche d'effet Noël qui, moi, fonctionne sur moi. Évidemment, il y a Mary-Elizabeth Winstead, on est toujours très content de la revoir. Il y a plein de différences qui sont ajoutées par rapport à l'original. Dans l'original, tout ce qui est autour du tueur est très élagué, très mystérieux. Là où dans ce film-là, ça va beaucoup plus loin dans cette histoire. Il y a même ces séquences d'origine qui sont bien Ouais, dégueulasses. Hein, c'est c'est bien, dégueulasse, bien. glauque, quoi, c'est... Ah. Ça, la violence du film, c'est, bah, je dis, c'est très, très, très méchant. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a de la tête décapitée, on a des biscuits à partir de peau humaine, On a de l'arrachage d'œil. de l'arrachage d'œil, de la dégustation d'œil même. C'est peut-être le film le plus violent qu'on a ce soir avec le prochain. Le prochain, il est méchant. Non, le dernier avant. Krampus. Oui. Krampus, ouais. Mais celui-là, c'est le plus sanglant, c'est le plus gore. Maintenant, à nouveau, j'ai dit, les personnages sont assez mal écrits. La réalisation, bon, je dis, c'est un peu faiblard. La comparaison à l'original est très dure. Il s'en distingue parce qu'il y a certains points, mais malheureusement, il est vraiment quand même assez similaire. En tout cas, il marche dans ses pas. C'est assez dur de comparer les deux. Il y a une espèce de vulgarité qui s'en dégage, que moi j'aime bien. Je dois admettre que moi j'aime bien ce côté débauche, un peu débile de Noël. Maintenant, on peut trouver ça complètement trash et pas utile. C'est valable. Et malgré tout, moi, ce que j'aime vraiment dans ce remake, c'est un des premiers films d'horreur de cette période que j'ai vu, et dans l'océan de remake des années 2010. C'est-à-dire, les années 2010, on en a eu des pas mal. Je sais qu'on aime bien tous les deux les Massacres à tronçonneuses, les deux premiers. Enfin, moi je préfère le premier, je préfère le deuxième, si je dis pas de Le bêtises. commencement? Le commencement, ouais. Ouais. On a eu le Vendredi 13 qui est pas mal en version longue. On a eu le Ring de Verbinski qui lui s'en Qui est sort très bien. bien. Évidemment, le Halloween de zombies. Les Le, Halloween des les zombies. Halloween de zombies, ouais, mais après on a quand même eu le Freddy, on a eu Balle de l'Enfer, on a eu ce Sœur de Sang dont on avait parlé dans le tout premier épisode. Enfin, plein de remakes ça va du correct à l'énorme dôme. Moi je déteste le Freddy, vraiment, j'y arrive pas. Et le Balle de l'Enfer aussi, Ça vous le plaît Balle de plus? l'Horreur, le Balle de l'Horreur. Mais déjà, le bal de l'horreur, l'original... Moi je l'aime bien, mais l'original, on va dire qu'il est mieux mis en scène et t'as une sympathie. Genre, enfin, je sais pas, t'as Jamie Lee Curtis Oui, qui danse, ça. voilà. Là où Enfin, Jamie Curtis tout court, en fait. le remake, t'as que dalle. Et là, je trouve celui-là surnage un peu, surnage déjà par sa violence, évidemment, mais vraiment surnage par cette espèce d'ambiance très fine de Noël qui, moi, arrive à m'embarquer, qui fonctionne assez bien, et faut vraiment le prendre, genre, deuxième partie de soirée, il passe super bien. Vraiment, c'est un film sympathique qui... J'arrive pas à lui trouver de défaut majeur, à part vraiment son écriture de personnage qui est vraiment à la ramasse. Et peut-être le fait que le film ait quelques longueurs, notamment vers son milieu, où il met un peu de temps à se mettre en place. T'as des trucs qui sont amorcés, pas forcément utilisés, genre... Je sais pas pourquoi, le film essaie de te mettre un coup de pression sur la fille blonde à lunettes. Tu sais, elle est au Au tout début. début, oui. Ouais, il essaie de te mettre un gros coup de pression sur elle, et ça fait rien, et tu te dis, Oui. bon, ok, pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'est un film que j'aime bien, c'est aussi un des premiers que j'ai vu, j'ai une sympathie particulière pour lui. Maintenant, est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Pas nécessairement, mais c'est pour moi un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir régulièrement à Noël, évidemment dans sa version non censurée, parce qu'il y a quand même quelques kills. Je te laisse parler des meurtres, tu seras plus à même sur le sujet. Il y a quand même quelques kills très sympathiques. Alors, perso, ce que je pense du film. Bah c'est très cool. C'est vraiment cool Black Christmas 2006. Est-ce que c'est un bon film? Je sais pas, honnêtement, je ne pense pas. Moi, Bah je ne pense pas que c'est un bon film, tu mais c'est un parlais film dans lequel je prends beaucoup de plaisir. des personnages, en fait son problème c'est pas que les personnages sont mal écrits, c'est qu'il y en a trop. Aussi. Et en 1h30, tu peux pas tous les développer. C'est-à-dire que vraiment, il y a trop de personnages. Surtout, il y a un body count qui est élevé, je crois qu'il y a quand même une dizaine de meurtres, quand même. Hein. 16. C'est, ouais, bon. Et 16 meurtres à l'écran, ou parce que, je, par exemple, celui de Mary-Elizabeth Winstead, alors oui. Mary-Elizabeth Winstead meurt, aucun film n'est parfait. Mais 18, pardon, j'ai dit ouais, 18. 18, mais tu dois peut-être en avoir 4-5 qui sont hors écran quand même. Hein. Mais le Euh, film est très généreux globalement. un peu moins que ça, et Et à noter, un des y a, meurtres. y a les deux meurtres après des tueurs. Un des meurtres, notamment, on dit vulgaire, celui de la fille dans le lit avec la licorne. Celui-là n'est pas dans la version censurée. Celui-là a été cuté de la version censurée. Ce qui fait qu'il y a un personnage, on ne sait pas où il est. Dans la version censurée, il n'est pas là. Bah, un peu comme Saruman dans L'Entour du Roi version cinéma. Ouais, c'est ça, bah, tu le vois mort, mais elle Non, non, existe tu le vois pas. pas mort, tu le vois pas du tout. Ok. C'est-à-dire que Gandalf dit laissons-le se démerder avec les Ents. Bisous à lui. Mais non, vas-y, je continue sur Black Christmas. Mais donc, pour moi, c'est assez réussi. C'est-à-dire que tu parles aussi de la mise en scène, mais pour le coup, ça va mettre en scène des meurtres, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et là, pour le coup, ça le fait quand même très bien. Ça fait très très mal. Il y en a certains qui font... On n'est pas non plus dans Dream Home en termes de talent et d'ambition de mise en scène. Oui. Mais là, on va dire que c'est très fonctionnel, ça montre ce que ça doit montrer, et c'est très efficace. Efficace, c'est le mot. C'est vraiment le mot. C'est-à-dire que... Il y a vraiment les yeux, il y a, comme t'as dit, les coutilles en peau humaine. Celui-là, il est dégueulasse. Hein. Celui-là, je l'avais vu, ouais, la première fois que j'ai vu, j'étais en mode « Ah, pardon !» Mais même tout au-delà de ça, tout le flashback où t'apprends l'enfance du tueur qui est absolument atroce. Même si, j'avoue que mon gros point négatif sur ce flashback, c'est qu'ils ont mis une espèce de filtre jaune pisse. Bah, parce que le tueur a la peau jaune, ouais, le tueur a une sorte de jaunisse à la con, je sais pas. Ouais, c'est ça, mais pour le coup, je trouve que c'est à moitié réussi ce détail, parce que c'est jamais vraiment exploité, c'est juste, bah, du coup. Et surtout, c'est ce trope que j'aime pas trop, qui est très personnel, mais qui moi me dérange, c'est ce côté, t'as une maladie, donc t'es moche. Et c'est un truc qui moi me. Ok. Surtout, je sais pas pourquoi, mais la jaunisse, parce qu'il y a quelques jours, me demande pas pourquoi, j'ai revu quelques passages de Giallo, de Argento. Bonne question. Le tueur a aussi la jaunisse, et je me dis, mais. Pourquoi la jaunisse ? Enfin, jaunisse égale méchant, tu vois, ce genre de truc, je me dis, très maladroit, mais après c'est moi qui chipote. Ah, parce que Giallo, ça veut pas dire jaune, justement ? Si, mais c'est jamais amené, c'est juste le tueur à la jaunisse. Ok ! Après, je pense que Glenn Morgan ne s'est pas embarrassé de ce genre de considération. Non, mais après, c'est pour qu'il soit identifiable aussi. Je pense aussi, je pense ce genre de truc. Mm. Même si finalement, le twist, le tueur a une sœur, et c'est elle qui tue, enfin... C'est les deux qui tuent, en fait. C'est assez peu clair. Voilà. C'est un des nombreux défauts du film. Ouais. Bah, une sœur qui est aussi sa fille, du coup, parce que c'est le résultat de sa mère de quand sa mère l'a violée, en fait. Violée, ouais. Le film, au moins, ne le montre pas. Oui, le film ne le montre pas. On le comprend bien, mais... Mais, ouais... Non, c'est... Ouais, comme dit, le flashback est assez vraiment hard. C'est dégueulasse. Comme j'ai dit, c'est un film que j'aime bien parce qu'il est sale ambiance, ça n'ose... Toujours bon film, pas sûr, sale ambiance, ça il l'est. Voilà, donc, ouais, moi j'ai noté que l'histoire était simple et efficace. Vraiment, simple et efficace. C'est-à-dire que. Original. Ça, il n'y a pas de fioriture ou quoi, juste. Il y a des meufs dans une maison, il y a un tueur, il y a des tueurs, et il y a des meufs qui vont se faire tuer. Voilà. Voilà, c'est. Globalement, c'est 50% de slasher. Au moins, c'est ce qu'on en attend, on va dire. Il cherche pas à aller plus loin que ça. Il fait le boulot. Il fait le boulot. Et les actrices, bon, jouent pas toutes bien, mais il y a. Miu. Il y a Marie-Elisabeth Wilson. Et il y a. Bah, il y a cette ambiance sororité aussi qui fait que t'as quand même. Tu sens qu'elles sont uniques. Elles s'engueulent quand même souvent, mais. T'as un peu de sympathie à chaque fois pour chacun d'elles, c'est sympa. C'est ça. Et. Mine de rien, à mes yeux, le film il rentre quand même dans cette catégorie de remake qui surpasse un peu l'original. Enfin, que je préfère aux originaux en tout cas. Ouais, moi j'aurais du mal à dire qu'il surpasse parce que je pense que si on reste sur un des termes purement cinématographique. Oui, la mise en scène de Bob Clark qui est. Ouais, pas Bob Clark, c'est vraiment un tueur sur la mise en scène. C'est moins bien écrit parce que l'original, tu parles du nombre de personnages, mais l'original arrivait à t'y attacher. Alors j'ai plus les noms, mais je me rappelle que tiens, il y en a elles ont des vécus, des trucs comme ça. Ouais. C'est mieux éclairé, tout genre de trucs. Mais c'est vrai que celui-là est beaucoup plus. Celui-là est sous coke. Tu vois, celui-là, c'est. Il a juste retenu, il y a des meurtres et c'est ça que je dois aller. Ah oui, il y a aussi des meurtres débiles. C'est-à-dire, je pense au meurtre du stalactite qui est débile. C'est juste. Tu veux le raconter peut-être Je t'avoue que je l'ai plus en tête le stalactite. C'est la. Quand une des filles qui court et un stalactite lui tombe dessus et ça lui transperce la tête. C'est juste ça. C'est. Ah non, c'est vraiment bête. Mais je peux pas m'empêcher de. De prendre un plaisir assez évident devant, c'est des gens qui meurent. Oui, mais au moins, c'est... Je sais pas, vraiment, je ne m'explique pas mon amour pour ce film. Maintenant, ouais. Je pense que celui-là, sur l'échelle sapin sur il faut qu'on la fasse pour Monsieur Jack, d'ailleurs. 10 ouais, 9, parce que... 9, parce qu'il est aussi à 9 sur l'échelle c'est trop bonbon. Ouais, il y a ce que... Bah, un étrange de Monsieur Jack, 9, voilà. Non, sur celui-là, moi, c'est peut-être 8, tu vois, parce qu'il n'y a pas un plan sur... C'est très dans la débauche, dans les faits, mais je peux pas empêcher de me dire. D'ailleurs, vraiment esprit de Noël, au point où, au-delà d'avoir des meurtres, notamment t'as un meurtre avec le pic en haut du sapin de Noël qui est enfoncé dans l'œil du beau-père et l'œil ressort de l'autre côté, oui. Mais il y a aussi la scène du meurtre du gardien de prison. Avec le sucre d'orge. Avec le sucre d'orge taillé en biseau et planté dans la gorge là. Taillé en pointe, ouais. Non, c'est un film qui. Ah non, après, par contre, c'est vraiment un film qui est bête. C'est un film qui est très très bête. Ah oui! C'est vraiment très très très très con, quoi. C'est sortez de la maison. Non, tu sais, sur ce genre de film où, si elles partaient, elles peuvent, hein, elles peuvent partir. Surtout que c'est une sororité, donc il y a quand même des voisins, des trucs comme ça. Mais elles ne le font pas. Voilà, c'est ce genre de mystère. Et j'avais aussi noté pour parler de la photo, mais la photo est vraiment. est vraiment belle à certains moments. Je pense notamment à la prison. Oui. La cellule et. Avec l'ombre sur. Avec l'ombre, les décos de Noël. Dans mes souvenirs, t'avais le même plan dans l'original. Dans mes souvenirs, t'avais le même truc dans l'original de. Tu sens de la chaise. La chaise à la le rocking chair, ouais. Ouais, le rocking chair avec la personne dessus. Peut-être. Donc voilà, c'est. C'est tout ce que. C'est tout. C'est... Non, je me répète encore, mais bon film, peut-être pas. Plaisir, ça oui, sans oui. Garantie. Et. Enfin, rapidement sur le Black Christmas 2019. Non, sur le Black Christmas 2019, j'avoue que je m'étais fait les trois Noël dernier. Les trois d'affilée. Du coup, bon, je confirme que le remake 2006 ne tient pas avec l'original. Mais le 2019, ce qui m'avait assez sauté aux yeux, déjà, c'est que la bande-annonce te spoil tout le film. Je l'avais pas vu, je crois. C'est un concept assez fantastique. Mais le. En fait, le film a un message. Te le spam d'ailleurs, il te le spam bien, mais il oublie complètement de faire un slasher à côté, c'est-à-dire que le film démarre, il dure 1h30 le remake. Peut-être. Et il démarre au bout de 1h10, il démarre en plus de façon bête, donc dans le Black Christmas 2019, là pour le coup c'est un mauvais film, en plus tu prends pas de plaisir devant, donc en plus c'est fait par Sofia Takahal, qui est pas une mauvaise de base, elle vient du cinéma indé, normalement j'avais vu un truc d'elle et c'était pas dégueu. C'est quoi? J'ai plus le nom. Okay. Attends, je vais te retrouver ça, je fact-check. Mais toi, si tu veux parler rapidement sur 2019, qui est, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je veux pas en parler. C'est un problème. À combien est-ce que tu mettrais sur Citrouille et Bonbon pour le Black Christmas 2019? Sur Sapin Sucre d'Orge. Sapin Sucre d'Orge, pardon, j'avais le Citrouille et Bonbon en tête. 7-8, hein. On est sur un 8. On est sur un 8. On s'accorde sur le 8. Okay. Et le film de Sofia Takahal que j'avais vu, c'est Always Shine, qui était pas mal. Ok, j'ai pas vu. T'as d'autres trucs à dire ou je peux parler des dispos de films ou est-ce j'ai trouve, rien du tout. Alors, est-ce que tu as des dispos non censurés, évidemment? Alors, bah, je vais commencer par ce qui est disponible chez nous, à savoir ce putain de DVD TF1 vidéo qui t'annonce version non censurée 1h35 qui dure 1h20. Non. Ça, ils vendent la version la plus uncut et la version la plus cut. Ouais, non, ça fait partie des DVD TF1 vidéo un peu pété. Voilà, mais donc sinon, il est dispo, il vient de ressortir vraiment fin novembre, début décembre, en Blu-ray en Allemagne avec les trois cuts. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment la version à prendre. Et sinon, il est disponible sur Vudu. Sur Vudu, aux États-Unis. La plateforme. Alors, gratuit avec pub. Il est aussi sur Tubi, mais pas en HD. Donc si vous voulez le voir en HD, allez sur Vudu. Tubi, je crois qu'il est cut. Peut-être. Là où, sur Vudu, c'est les plateformes gratuites américaines, vous avez juste à vous inscrire et vous pouvez voir. Gratuit avec publicité, et là c'est la version uncut, il y a tout. Voilà, par contre, vous devez soit être aux US, soit avoir un VPN pour le voir. Voilà. Et donc, on passe alors à mon deuxième film. Donc, pour le coup, ça risque d'aller un peu plus vite là-dessus. Alors, ce qui est A Christmas Horror Story. Alors, pourquoi je l'ai pris? J'en avais un souvenir assez sympathique, c'est vraiment, j'aime beaucoup les films à sketch. Et Christmas Horror Story, c'est fait partie de ces films à sketch qui sont sortis un peu dans un mouchoir de poche avec, il me semble, Tales of Halloween, daté de cette période-là aussi. Trick or Treat aussi. Ouais, bah, les deux de la même année, Trick or Treat quand même bien avant, parce que Trick or Treat, il avait fait un festival en 2007 et après il est sorti en 2009. Voilà, et mais tu sais, c'est ça où c'est sur 10 ans, tu vois, il y en a pas mal qui étaient sortis. Je sais qu'il y avait aussi un film qui se passait avec les 50 états des États-Unis. Alors, c'est une série, je crois. Fear of Fright, un truc comme ça. Mais. En tout cas, c'est vraiment sympathique, alors... Mais c'était l'époque aussi de Holidays, aussi, qui est un... Que j'ai jamais vu, mais à ce qui paraît, il n'est pas terrible. Ah, il n'est pas fou, donc c'est un film où un film à sketch avec un segment parfait, donc il y a un segment Saint-Patrick, un segment Saint-Valentin, Noël... Je me demande aussi s'il n'est pas sorti dans la même veine que ABC of Death, qui n'est pas terrible non plus, enfin... ABC of Death, c'est d'un peu avant, ABC of Death, c'est 2012, je crois. Ok, donc sûrement autour du 2. Et donc c'est sorti en 2015, ça dure 1h40, le plus long, je crois, qu'on a... Peut-être que le dernier à toi est plus long. Non, le dernier à moi, il dure 1h30. Il dure pas plus d'1h35. En tout cas, c'est que des films qui s'enfilent très bien. Alors, c'est réalisé... J'aime beaucoup. C'est réalisé par des à peu près des inconnus, Alexis, qui ont bossé sur une saga que moi j'aime énormément, qui est la saga Ginger Snaps, qui est la saga de le loup-garou. J'ai vu que le 1, mais le 1 est super. Ouais, mais le 2 est vraiment une bonne saga, généralement. Joe Dante adore Ginger Snaps. A raison, mais il a bon goût, le Joe. Donc, à la réalisation, on a Brett Sullivan, qui était réalisateur sur Ginger Snaps 1, réalisateur sur le 2 et monteur sur le 1. Steven O'Ban, qui est un producteur qui est très proche de Vincenzo Natali. Je crois qu'il a produit Splice, je crois qu'il a produit Dans les Hautes Herbes, je crois que c'est lui. Enfin, il a produit tous les récents, et il a notamment produit l'excellentissime Come True, dont j'avais parlé dans la 7ème dimension sur l'épisode Vincenzo Natali, qui est un film que je recommande énormément, qui fait un peu peur, qui est très très peur même. Et c'est lui qui est sorti très récemment là Come True, il date de 2020 ou 2019. Même, ouais, 2020-2021, dans ces eaux-là, ouais. 2020, je crois. Je crois qu'il avait fait Il y a Gérard... moins de 3 ans. Je crois qu'il avait fait Gérard Armé en 2021. Mais après, moi, c'est un film qui m'a pas mal impressionné. Je pense que, bah, nous, c'est ce genre d'ambiance que j'aime bien, un peu éthéré. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Okay. Et il est également réalisé donc, par Grant Harvey, qui est le réel de Gingersnaps 3. Il est écrit par à peu près des inconnus totaux. Toto, c'est ça. Ouais, c'est écrit par 4 personnes, ce qui est généralement pas très bon signe. Ici, ça se ressent un peu. Et notamment dedans, t'as le scénariste de Splice, qui est le même scénariste, j'adore cette anecdote, que Au nom du roi 1, King Rising, UV Ball. Ah oui, ok. Voilà. À la photo, on a Gavin Smith, Gingersnaps 2. À la musique, Et non on pas a... Kevin Smith. Comment ? Et non pas Kevin Smith. Ça aurait été marrant d'avoir Kevin Smith à la photo. À la musique, on a Alex Kashkin, qui a fait Gingersnaps 3. Et l'excellente musique introuvable, j'ai jamais réussi à la trouver sur internet, de Haunter, qui est un film de Vincenzo Natali, qui est vraiment pas terrible, mais la musique est très bien. Ok. Au casting, donc on a George Buza, Amy Forsyth qui avait joué dans Hellfest, dont on avait parlé dans notre premier épisode. D'accord. Dans le deuxième. Deuxième, oui. Et au casting, on a William Shatner qui fait le lien entre les épisodes. Ah putain, c'était lui. C'est lui. Oh. Et alors le synopsis, alors bon, c'est un synopsis pompé sur internet toujours. J'ai essayé de le tuner, le pimper un peu. Alors le soir du réveillon. C'est vrai qu'on n'a pas fait de synopsis pour Mr. Jack, mais est-ce qu'il en fallait un hein? Non. Non. Je pense que le film est tellement connu et vraiment sinon voyez-le. Alors, le soir du réveillon, un animateur radio anime une émission autour de Noël, pendant que plusieurs contes, plusieurs histoires vont défiler. Que ce soit un esprit malveillant qui va piéger 3 adolescents dans la cave de leur école, une famille qui va se faire hanter par Krampus, un Père Noël qui va se battre contre une armée d'elfes zombies, et une mère qui soupçonne que son fils est possédé par un changelin. Alors, que dire sur Christmas Horror Story ? Je vais commencer par ce que moi je trouve être les bons côtés, qui est déjà les 2 dernières histoires. L'histoire autour du Père Noël contre les elfes zombies, oui, et de la famille possédée par Krampus, je les trouve excellentes. Oui. L'idée que l'esprit de Noël imprègne tout le film, c'est-à-dire toutes les histoires tournent autour de Noël, et en fait, ce qui saute aux yeux, le film, comme un peu comme Trick or Treat, a la volonté de proposer pas un film à sketch à la ABC of Death où ça s'enchaîne, mais un côté très organique, c'est-à-dire les histoires... S'entremêlent. Il y en a une qui démarre, elle s'arrête, une autre qui prend place, etc. Ça peut déstabiliser, j'avoue que là... Je l'ai vu 2 fois, notamment dans une version un peu particulière, dont je vais parler juste après. Et en fait, ça peut déstabiliser parce qu'en fait, du coup, il y a une mise en place qui est très longue, parce qu'il faut mettre en place les 4 histoires en même temps, les personnages, etc. C'est un peu long, c'est même être un peu chiant quand même sur le début. Et notamment aussi le fait que, bah, quand une histoire monte en intensité, bah, elle va se couper pour donner place à une autre qui va à son tour monter en intensité. Faut apprécier, j'ai vu que les gens appréciaient globalement sur internet, moi ça m'a un peu laissé de côté quand même. Okay. Il y a une variété d'ambiance que j'aime bien, c'est-à-dire que là pour le coup il y a 4 sketchs. Dans les 4 sketchs, il y en a un qui est plutôt une espèce d'horreur mystique avec celui dans la cave, un qui est plutôt quasiment folklore avec le changelin, un film de monstre, un film de quasiment gore avec le Père Noël. Un film de zombies en fait. Hein. Un film de zombies, ouais. J'aime bien quand il y a une diversité comme ça parce que ça permet vraiment de manger un petit peu à plusieurs ateliers. Maintenant, les 2 gros problèmes que j'ai vraiment, c'est le montage, qui donne lieu à une mise en place très longue. C'est-à-dire vraiment, le film démarre au bout de 30-40 minutes. Oui. Alors, autant, il y a des effets physiques que j'aime beaucoup. J'adore le look de Krampus. Oui, bah, j'en parle aussi. Il peut avoir l'air un peu pété, mais moi j'aime bien. Je trouve le côté un peu, je sais pas, surhumain, je trouve chouette. Mais il y a des effets numériques qui sont dégueulasses. Je pense notamment aux effets autour de Krampus, hein, qui sont malheureusement pas toujours très bien. Mais, genre une certaine transformation. Ouais, mais... Il y a des effets gore très chouettes, du prosthétique comme on aime. Le Père Noël notamment. Voilà. Et il y a la photo, ça va du plutôt joli, le sketch du Père Noël et la première histoire avec les ados dans la cave, qui est plutôt chouette, ah, carrément moche. Je veux dire, le deuxième avec le changelin là, pas très très beau quand même. Enfin, celui de Krampus, pas très très beau quand même. Et très personnellement, il y a un twist interdit à la fin. Oui. Moi j'aime pas les twists comme ça, mais bon, ça peut plaire. Maintenant, ça reste un film qui est assez chouette, c'est-à-dire que c'est un film qui va avoir plusieurs histoires, une variété d'histoires qui peut vraiment séduire, notamment le fait que, étant donné que tout est organique, bah on va les suivre en parallèle, même les cas, toute l'histoire ont des liens entre elles. C'est-à-dire que les 3 jeunes dans la cave, bah, la deuxième histoire concerne le policier qui a eu un lien avec l'histoire... qui a eu lieu dans la cave du lycée où sont les 3 jeunes au début. La 3e histoire, c'est une pote de ces 3 jeunes, et la 4e, c'est le Père Noël. Il y a William Shatner qui fait le lien. Mais alors, si jamais la structure vous déstabilise, il existe un fan cut Christmas Horror Story, vous avez juste à taper Christmas Horror Story Fan Cut, c'est le premier qui apparaît. Vous pouvez contacter celui qui a fait le fan cut, ce que j'ai fait. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réorganisé le film, c'est-à-dire que il a fait en sorte que toutes les histoires se suivent de façon linéaire, chronologique, et qu'à chaque fois, William Shatner fait le lien entre chaque. Donc, ça donne une toute autre structure au film, on perd le côté organique pour plus un côté conte de Noël. Les fan cuts, on aime ou on n'aime pas, moi j'avoue que j'aime bien parce que ça permet de donner d'autres regards sur les films. Je vais me souvenir des fan cuts d'Indiana Jones, qui en fait sont des cuts qui coupent tous les effets qui peuvent être entre guillemets choquants pour les enfants, qui transforment Indiana Jones vraiment en film pour enfants. Et honnêtement, alors moi je préfère 100 fois les versions originales évidemment, mais je trouve que c'est des approches différentes, ça montre ce qu'on peut faire avec du montage. Moi il y a une fan cut que. Alors que j'ai pas encore vu en entier, mais que je me mate pour le prochain 4 mai. C'est la Mandalorian cut, enfin la Siege of Mandalore cut de Star Wars 3. La cut avec tout le siège de Mandalore en parallèle. C'est ça, où t'ajoutes, et aussi en ajoutant des morceaux de la série Clone Wars en 2D, la série de Genndy Tartakovsky. Ouais. Donc avec notamment l'enlèvement de Palpatine par Grievous. Cette scène est géniale. Et donc avec aussi les segments du coup de Clone Wars, la série, enfin la saison 7 de Clone Wars du coup. Sur justement qui se passe en parallèle de l'épisode 3 avec tout ce qui se passe sur Mandalore, tout ce qui concerne Ahsoka et Dark Maul, et du coup Star Wars 3, donc c'est un montage de 4 heures. Mais et du coup les fan cuts, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant, et là pour le coup je dois admettre que le fan cut peut séduire si on préfère une version plus linéaire. Voilà, bref, Christmas Horror Story, est-ce que c'est un film incroyable? Je ne pense pas, mais est-ce que c'est un film éminemment sympathique en période de Noël qui propose une variété de genres qui, moi en tout cas, me séduit? Oui. Roman, qu'en as-tu pensé, Christmas Horror Story ? Je serais moins sympa que toi, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a deux histoires vraiment cool, il y a le Père Noël et il y a la famille qui est pourchassée par Campus. Ouais. L'histoire du changement, je la trouve vraiment molle. C'est la pire, c'est la moins intéressante. Et celle des gosses, j'en ai un peu rien à foutre. Le problème de celle des gosses, c'est qu'elle part avec un point de vue super intéressant et elle se finit un peu à l'arrache, c'est-à-dire que le fantôme... veut baiser, basiquement. Oui. Et ça se termine très rapidement. Ce qui est dommage, parce que pour le coup, moi, le point de départ, j'étais chauffé. Et oui, après, oui, comme tu dis, les effets spéciaux, notamment le Père Noël contre les elfes zombies, c'est trop bien. En fait, le concept est débile. Et je pense que l'histoire en a conscience. Et du coup, va juste pousser le truc en faire un truc vraiment débile. Non, mais à ce moment-là, faut pas chercher à complexifier le truc. Quand c'est débile, c'est débile. Tu fais un truc débile. Tu t'assumes. Voilà, et tu le fais bien. Et là, ça le fait bien. Ouais, les effets visuels, par contre, la transformation de la meuf survivante en Campus. Allez, c'est pas beau. C'est... Non. Et oui, on parlait du twist, alors on va révéler le twist. Vas-y. Donc, en fait, le Père Noël n'est pas le Père Noël, c'est un employé de magasin. Non, c'est un employé de magasin, oui, et qui était aussi à la radio. Qui est, tu sais, avec William Shatner. Tu le vois au tout début, en fait. Ah, ok. C'est lui qui met le truc Christmas Sucks... Ok, et qui en fait n'affronte pas des elfes zombies, mais ses collègues. Il les massacre. Il les massacre sales. Et d'ailleurs, il finit par affronter Krampus. Alors, clairement, moi on me dit Père Noël contre Krampus, oui. Mais ouais, pour le coup, là, ça. En fait, c'est le dirigeant du magasin. Et oui. Voilà, ça se termine sur le fait qu'il se fait abattre. Voilà, c'est très simple finalement comme conclusion. Oui, non, mais c'est. Après, c'est les fameux twists, c'était moi depuis le début, moi ça me fait un peu grincer des dents. Ouais, mais donc ouais, c'est des segments vraiment très inégaux. On est pas sur de trick or treat là, clairement. Non, clairement pas. On est plus sur du Tales of Halloween. On sent des inspirations quand même. Oui, mais niveau homogénéité en qualité des segments, on est plus proche de Tales of Halloween que de. Oui, quand même. Que trick or treat. Et ouais, moi aussi j'aime beaucoup le design de Campus. C'est-à-dire qu'il change de tout ce qu'on a eu après, en fait. C'est un vrai monstre. C'est un vrai monstre, il est blanc, il est vraiment beaucoup plus humanoïde. Il est très grand, il est vraiment menaçant. Campus, je détaillerai après sur le film éponyme. Le film éponyme, oui. Mais donc par rapport à tous les Campus qu'on a eu après, toi tu t'en es tapé beaucoup des films Campus, tu m'as dit. C'est très très dur, hein, je m'en suis tout à fait une chier. Mais où le design change pas beaucoup dans ces films-là, c'est-à-dire que c'est vraiment. Là où dans les autres films, enfin, on a du Krampus, qui est un peu un mec tout tassé, encapuchonné. Qui est plus un espèce d'esprit, c'est vraiment un monstre. Qui est vraiment une menace. Enfin, qui est une menace spirituelle plus qu'une menace physique, quoi. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça que je... J'aime Trick or Treat, enfin j'aime pas Trick or Treat, j'aime Christmas Horror Story maintenant. C'est peut-être le moins bon film de ce soir. C'est le plus anecdotique. Pour moi, c'est le... Avec Christmas Evil, peut-être. Avec Christmas Evil, oui. C'est le moins intéressant, le moins détaillé. Oui. Oui. Donc, voilà. Je vais vite faire parler des disponibilités du film. Ouais. Donc, il est dispo sur les shudders US et UK. Ouais. Et il est dispo en France, à l'achat et à la location sur Microsoft Film, YouTube et Google Play. Il n'existe pas en physique en France. Je crois pas. Parce que moi, je l'ai jamais vu. Et donc, on passe à la suite. Alors, on passe avec... J'ai juste à essayer de trouver, vas-y. Pas de soucis. On passe. Ouais, qu'il est dispo en physique. Donc Krampus, donc on passe au film suivant, donc qui est Krampus, sorti en 2015, réalisé par Michael Dougherty, l'autre bon film de Michael Dougherty. Donc Michael Dougherty, on en avait déjà parlé, réal de deux très bons films, Trick or Treat, Krampus, et qui ensuite a un peu chuté. Compliqué. Qui est avant tout scénariste. Donc au scénario, on a Dougherty, d'autres personnes, ainsi que Zach Shields, qui est scénariste de Godzilla 2 et 3. On adore. À la photo, on a Jules O'Loughlin, visiblement un Irlandais, qui a fait Hitman and Bodyguard, que j'ai pas vu, qui est sorti récemment, et également l'ignoble Jolt, qui est un espèce de sous John Wick avec Kate Beckinsale, mais qui est chiantissime. Hein, Hitman and Bodyguard, c'est sympa. J'ai pas vu pour le moment. Mais parce que Ryan Reynolds et Mel Jackson, quoi. Ouais. Ensuite, à la musique, on a Douglas Pipes. Alors, Douglas Pipes, on avait déjà parlé, parce que c'est celui qui a composé Trick or Treat et Monster House, tout simplement. Eh ben. Au casting, on en a. Alors, casting, oula. Alors, on a Adam Scott, donc qu'on avait vu dans Walter Mitty. On a la grande Toni Collette, qu'on avait vu dans Hérédité, Little Miss Sunshine, couteau tiré. David Kushner, qu'on a vu dans Corman, Twin Peaks. Je vais pas tous les faire, bref, un bon casting quand même. Alors, au synopsis, rapidement, donc quand Max voit sa famille peu exemplaire se disputer à l'approche de Noël, le garçon décide d'ignorer la tradition, sans se rendre compte que ce manquement va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne à l'enfer quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max. C'est un synopsis pompé sur internet à nouveau. A savoir, le film existe dans une version longue qui s'appelle la Naughty Cut. Alors bon, ça rajoute pas grand chose, ça rajoute genre 3-4 minutes. Pas très intéressant, qui est disponible aux États-Unis. Et alors, il existe un roman graphique préquel qui s'intitule Krampus Shadow of Saint-Nicolas. Je l'ai pas lu, mais j'avoue que j'ai bien envie de le lire. Et le film a également donné une chier vraiment de films autour de Krampus. Genre Krampus The Christmas Devil, Krampus The Reckoning, Mother Krampus 1 et 2, Krampus The Devil Returns. Enfin bref, c'est de la merde. Y a pas un seul bon film dans le tas, c'est vraiment assez dramatique. Et maintenant, Krampus, pourquoi c'est le meilleur film de ce soir? Déjà parce que c'est un film ultra inventif. C'est un film qui va prendre des familles américaines très lentes, très classiques, une qu'on devine être plus républicaine que démocrate, voilà. Et l'autre être plus démocrate que républicaine, mais bien à l'aise, on va dire. Alors juste, Christmas Horror Story, il est sorti en Blu-ray dans deux pays, à savoir les États-Unis et évidemment... L'Allemagne, voilà. Ils éditent tout aussi. Et donc voilà, Krampus, c'est un film que j'aime énormément, ce qui va reprendre tous les codes du film de monstre. C'est-à-dire qu'on va avoir les scènes un peu inquiétantes de découverte, puis un espèce d'affrontement final. Il y a une scène qui est peut-être une de mes 5 scènes les plus marquantes en termes de film de Noël et de film d'horreur en général, qui est la scène du grenier. Mais oui, je trouve être une scène incroyable. C'est une scène de grenier folle. Alors, le film est Peggy 13 aux États-Unis, moins de 12 en France. Comment dire, c'est peut-être le film le Peggy 13 le plus hardcore que vous allez pouvoir voir. Ça va ultra loin. C'est très bien réalisé. Il y a un sacré gap par rapport à Trick or Treat. Trick or Treat, c'était mon reproche, c'est que c'était souvent plus un film de scénariste qu'un film de metteur en scène. Là, avec un massacre, sauf peut-être dans les scènes d'action, ça crapote un petit peu. Et également l'écriture, là pour le coup, on passe encore un gap par rapport à Trick or Treat, c'est vraiment écrit comme un conte. Et la fin vient confirmer ça, la fin où, bon, on divulgage, tout est arrivé, mais les personnages vont s'en rappeler uniquement comme un rêve, et Krampus les surveille, dans une espèce de petite boucle de Noël. Alors, il y a, sache qu'il y a une fin alternative, ou juste, qui est que c'est la même fin, c'est-à-dire que il y a le truc de Noël, il a le grelot de Krampus. Le grelot, ouais. Mais il n'y a pas le reste. C'est-à-dire que juste, il a le gros de Krampus. Ce qui est aussi une bonne fin, ce qui oui, est... Oui. Parce que moi, si la fin avait été « Tout est inventé », j'aurais pas pris. Non, mais donc voilà, il n'y a juste pas le travelling arrière où tu découvres qu'ils sont dans une boule à neige, dans l'atelier de Krampus, et avec ces putains de jouets qui te foutent un jumpscare à la fin. Que Krampus va le surveiller. Et alors aussi, les effets spéciaux, c'est du pratique, c'est de l'animatronique, c'est magnifique. Pas tous, les CGI... Il y a un petit là, mais ça passe. Oui. C'est vraiment les biscuits, par exemple. C'est bien éclairé, et puis les biscuits sont super drôles. Oui. Et enfin, les biscuits, c'est genre petits biscuits de Shrek, mais version Ken le survivant. Quoi. C'est, voilà. Ça m'a rappelé un peu les nains de jardin, je crois que c'est des nains de jardin, dans le film Chair de poule. C'est des nains de jardin. Oui. J'ai pas vu le film, mais j'ai l'imagerie. Et alors maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, on peut dire que c'est un peu long à démarrer, peut-être. Genre, le film à nouveau dure 1h30, 1h40. Et... Ouais, mais le début est drôle. Ouais, c'est parce que ça se fout sur la gueule que c'est vraiment. Le début est drôle, genre, avec Toni Collette qui dit. Pauvre. J'ai pas dit qu'il devait pas avoir le droit de se reproduire, j'ai dit qu'il fallait soumettre ces gens à un test avant qu'ils soient en droit de se reproduire. Ouais, Toni Collette, elle se spécialise dans les rôles de mère qui en peut plus. Maintenant, aussi, tous les personnages sont pas forcément exploités à leur plein potentiel, on va dire. Mais pour moi, c'est vraiment, je le dis, un chef-d'œuvre. C'est vraiment, je pense, mon film d'horreur de Noël préféré. C'est aussi un film où je vais essayer de rester assez vague. C'est-à-dire que il y a des jouets qui prennent vie, qui sont monstrueux, qui vont faire du mal aux enfants. Il y a du monstre, il y a du fantastique, il y a une vision de l'enfer, basiquement. Tout ça, je vais rester assez vague parce que je pense que l'intérêt principal du film, c'est la découverte. C'est-à-dire que moi, on m'avait dit que la scène du grenier était folle, mais je ne savais rien dessus. Et quand j'ai découvert, j'étais juste, genre, ma mâchoire est tombée par terre. C'est du Peggy 12, ça ! Peggy 13 ! Et ouais, non, moi, Krampus, c'est, je pense, mon film d'horreur de Noël préféré, de très loin. Et je supplie Michael Lougherty pour qu'il refasse des bons films. Parce que, ouais, c'est... Il sait mettre en scène ses monstres dans Godzilla, mais ce serait bien qu'il fasse des vrais bons films. Quoi. Avoir des monstres, c'est pas tout. Mais voilà, Krampus, j'adore, c'est... Très drôle aussi, j'avais oublié de mentionner. Oui, mais oui, très drôle. C'est aussi très drôle, enfin très drôle. On n'est pas non plus dans la comédie grivoise, hein, mais il y a vraiment des touches d'humour assez marquantes. Et le putain de design de à peu près chaque créature est incroyable. Roman Krampus. C'est trop bien. C'est trop bien, Krampus. Non mais Krampus, c'est fou, c'est-à-dire que, bah, comme on l'a déjà dit tous les deux, c'est très drôle. Visuellement, c'est inventif de fou avec ses créatures, mais... notamment dans la scène de grenier qui est cauchemardesque. Si vous voyez la scène dans L'étrange Noël de Monsieur Jack où il va livrer des jouets, c'est cette scène-là version hardcore. On n'en dit pas trop. Et oui, bah déjà, t'as de la peine pour cette famille, pour Toni Collette surtout. T'as de la peine. Toni Collette, elle fait mal au cœur. C'est-à-dire que tu la vois en train de. Tu sais, foutre le chalumeau sur ses crèmes brûlées. Et t'as la tante atroce qui arrive qui dit. Bon, qu'est-ce que t'es en train de nous faire encore? C'est bien que je digère pas les plats compliqués. Non, mais en fait, surtout, ce qui est génial avec Krampus, c'est que, à nouveau, c'est un film de scénariste, c'est-à-dire que c'est un film de monstre qui va vraiment pousser son concept, tout en n'oubliant pas ses personnages à côté. C'est le reproche que de Tricotricotricotricotric, c'est-à-dire qu'il était super bien écrit, un petit peu moins bien mis en scène. Là, il arrive pour. Je pense le préférer un peu à Tricotricotric. Ah ouais. Un tout petit peu, parce qu'il a un meilleur équilibre entre sa mise en scène et son écriture. Là où Tricotricotric, à l'exception de la scène des loups-garous, la mise en scène était un peu plus fonctionnelle. Et pourtant, t'as plein de guideurs. Anecdote, c'est la même ville. Voilà. Ok. Je n'aimerais vraiment pas y vivre. Mais t'as plein de gimmicks de mise en scène qui sont les mêmes que dans Trick or Treat. Par exemple, le plan des biscuits qui foncent vers la caméra comme ça. Mmh. T'avais le même dans Trick or Treat avec Sam, quand il est dans le dernier sketch. Voilà. Et c'est vraiment Krampus. C'est difficile de pas trop en dévoiler parce que vraiment, faut découvrir. Mais ça. Il peut mettre du temps à démarrer. Avant que le fantastique vraiment arrive, mais tenez 30 minutes. Notamment, tu parles de la mise en scène, il y a un moment que tu ne vois pas venir en termes de mise en scène, c'est le flashback. Oui ! Le flashback en animation ? Oui, c'est ça. J'avoue que c'est un peu mes petits plaisirs chaque fois. Je sais pas pourquoi, les flashbacks en animation, c'est un truc récurrent. Il y a ça aussi dans quelques minutes après minute. Mais moi j'adore. Dès que j'en vois, je fais oh, c'est bien ça. Mais le flashback de la grand-mère qui vous t'apprend qu'elle a déjà. Déjà croisé Krampus, c'est. Non, puis oui, Krampus, t'as déjà tout dit, mais en termes de mise en scène, c'est fou. Les scènes d'angoisse sont vraiment angoissantes. Les scènes drôles sont vraiment drôles. Moi, j'avoue que j'ai un gros crush en scène qui m'a beaucoup fait rire sur le chien et les petits biscuits. J'en dis pas plus, mais si tu vois, c'est... Alors, je crois que je vois plus. Oui. Je mime, on va dire, pour ne pas le dire, mais cette scène m'a beaucoup fait rire. Mais juste oui, Krampus, c'est le film d'horreur de Noël ultime, c'est-à-dire que... Par excellence, ouais. C'est-à-dire que pour moi, le film de Noël ultime, ça doit se jouer peut-être entre Klaus et les 5 légendes. Mais le film d'horreur de Noël ultime... C'est Krampus. Ouais, franchement, moi, mon film fantastique de Noël, ouais, ça doit être... J'aime beaucoup Scrooge, avec Bill Murray. J'ai pas encore vu. Fantôme, en fait, que j'aime beaucoup. Oui, je l'ai pas encore vu. Mais pour moi, Krampus, c'est celui qui arrive le mieux à retranscrire cette espèce d'art. J'y pense. Sapin, sucre d'orge, Christmas Horror Story. Christmas Horror Story. 7. 6. Bah, le truc, c'est que t'as le segment dans l'école où t'as rien. T'as le segment de la famille poursuivi par Krampus où t'as rien. Krampus, qui est l'esprit de Noël, par oui, exemple. Oui, t'as Krampus, mais je veux dire. Mais je veux dire, au-delà de ça, il n'y a rien dans le l'image. Je propose un 6. Parce que t'as le Père Noël. Oui, d'accord, le Père Noël, ok, d'accord, 6. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai découvert hier soir les chroniques de Noël. Que j'ai avec Kurt Russell. Avec Kurt Russell dans le Père Noël. Tiens, faut que je le voie. Moi, j'ai vu le 1, faut que je vois le 2. Il y a une certaine scène dans une prison où tu te rappelles que le gars a joué Elvis. Mais ce qui est vraiment, en plus, surtout, tu le diras, il est assez simple à trouver aussi. C'est vraiment. Là pour le coup, on n'a pas trop de films durs. Moi je sais que j'avais beaucoup hésité à prendre à la place de Christmas Horror Story Rare Exports, ouais. Le Père Noël Maléfique ou Synth de Dick Mass. Ouais. Mais est-ce que c'est un film de Noël? Selon moi, oui, parce que c'est Saint-Nicolas. Maintenant, voilà. Il y a beaucoup de films que j'ai hésité. Il y en a un que j'avais hésité à prendre, mais j'avais pas vu, et que j'ai vu depuis, et qui est compliqué, qui est Oh Heilige Jul, qui est Christmas Cruelty en français, connais pas. En français anglais, qui est un espèce de torture porn de Noël, qui est très très très bizarre. Vraiment, c'est très dur, très très dur. Ok, si on refait un épisode l'année prochaine et on en refera un. Je prends Rare Exports, c'est avancé, acté. Je prends 3615 Code Père Noël. Ça se défend, mais du coup, on trouvera les trouvera, films. Oui, oui. Peut-être pas autant de films d'horreur, parce que je vais pas me taper, je vais pas prendre un film de Krampus. Hein, oui, que, non. Vraiment, faut imaginer, les films de Krampus post ce Krampus-là, du coup, c'est vraiment, il y a que de la merde. J'ai à peu près tout vu, en tout cas, j'ai vu tous les connus, entre guillemets, genre The Reckoning, The Origins, tout ce que tu veux, et c'est toujours chiantissime. Enfin, ce qui est dramatique, c'est que c'est des films qui ont... Enfin, l'intérêt de Krampus, dans le film Krampus, c'est quoi? C'est peut-être 20 minutes à l'écran? 20-25 minutes? Ouais. Parce que tu le vois pas tant que ça. Bah tu vois plus ses jouets. C'est bestiaire, quoi. Voilà, là où les autres films essaient de faire des demi-slashers de Krampus. Il y en a un, alors je sais plus si c'est Mother Krampus, non c'est pas Mother Krampus, c'est Origins ou The Reckoning, enfin bref, la merde, qui essaie de faire Conjuring avec Krampus, et étonnamment ça ne marche pas. Surprenamment. Mais vraiment, Krampus, il y a que de la merde après, voyez celui-ci, et la Naughty Cut, si vous voulez savoir, ça rajoute quelques trucs dans le grenier, quelques petites scènes un peu méchantes. Pas, elles sont visibles sur YouTube. Un peu naughty, en fait. Un peu naughty. Il y a quelques trucs à la fin, aussi, lorsque Krampus, on va dire, est avec l'enfant. Mm. Donc, c'est dur de pas en dire. Et il y a des scènes de dialogue au début, mais c'est vraiment pas le genre. Même si le coffret dans lequel il est édité, je crois que c'est chez les mêmes éditeurs, je crois que c'est chez Shout Factory. Je crois que c'est les mêmes qui ont fait Trick or Treat. Oui. Il est sublime, le coffret. Après, les collector's editions de Shadow Factory sont magnifiques à chaque fois. Le problème, c'est que Shadow Factory... Saisonné. Et ils éditent que avec la VO et les sous-titres anglais. Ouais, après ils ont plein de bonus. Ou alors le doublage anglais quand c'est un film pas tourné en anglais, mais voilà. Généralement, ils ont plein de bonus, donc ça, c'est chouette. Oui. Mais voilà, Krampus, moi, je dis, c'est mon film préféré de ce soir. J'aime beaucoup le dernier dont on va parler. Tu préfères Krampus et Mr. Jack? C'est compliqué, parce qu'en fait, pour moi, c'est deux films que j'aime énormément, mais Krampus, c'est un film qui vraiment m'a surpris, et bon, c'est un autre débat, d'autres questions, mais aujourd'hui, dans le cinéma d'horreur, on va dire actuel, sur les 10 dernières années, ouais, c'est très difficile d'être surpris, ou d'être vraiment pris dans quelque chose. Tu vois, il y a eu, évidemment, des très bons films, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'il n'y a pas beaucoup de films qui... où je me dis, ah ça je m'y attendais pas, ça j'avais jamais vu ou autre, et Krampus y arrivait. Okay. C'est ce que je veux dire. T'as des exemples de films comme ça qui sont sortis en 2022? En 2022, je t'avoue que X, par exemple, X avait une approche que... Enfin, qui est sorti chez nous, en 2022, j'entends. X a une approche, de notamment déjà de son milieu, qui est le milieu du porno, et de, comment dire, espèce d'hommage à Massacre à la tronçonneuse, le côté white trash, sans... que j'avais jamais vu avant, que j'avais jamais vu de cette façon-là, en tout cas, ou en 2022... The Sadness, oui, The Sadness, qui m'a beaucoup, beaucoup secoué. Je pensais à The Sadness, je pensais à Terrifier 2, mais qui sort... Terrifier 2 aussi, qui sort début 2023. Ouais, mais... Je pensais à Nope aussi. Même si Terrifier 2, je suis surpris parce que c'est ultra bourrin, mais c'est ultra... Je suis surpris parce que c'est sorti aujourd'hui. C'est plus ça, tu vois. Là où The Sadness, ouais, là, j'avoue, j'avais jamais vu ça. Oui. Genre, le truc... la scène de l'œil. Tiens, ça, ou même... Et Nope... Nope a un côté Spielbergien dans sa conception de l'horreur. Après, je suis pas le plus gros fan de Jordan Peele, mais Nope était intéressant. Moi, c'est pas non plus le gros l'amour ultime. D'ailleurs, Jordan Peele, qui a coécrit et qui joue dans le dernier film d'Horace Elite, Wild. On recoupe. Voilà. Mais donc voilà, c'est pour ça que Krampus m'a surpris. Et à nouveau, Krampus, faut s'imaginer, c'est un interdit au moins de 12 ans. Je crois même qu'il est accord parental en France. Qui l'a mis à corps parental? La scène du grenier. Alors moi, j'ai une image qui me. Qui. Bah, marque un peu quand même. Donc voilà, Krampus pour moi c'est du tout bon. Et sur les disponibilités. Il est sorti en Blu-ray en France. Il est pas en DVD, par contre, je crois. Je l'ai jamais vu en DVD. En France. Peut-être. En tout cas, il est sorti en Blu-ray en France, c'est sûr. Bah, je l'ai, Blu-ray. Et il est sorti. Il est pas sur les plateformes. En tout cas, je l'ai pas trouvé sur les plateformes. Non, mais après, s'il est en enfin, physique en France, on dit de le prendre enfin, physique voilà, en France. Voilà, trouver toi, physique en France, il est pas dur à trouver en physique. Voilà, en et sinon, si vous voulez la Music Cut, eh ben, prenez la Collector's Edition de chez Shop Factory. Si vous avez un truc, désolé. Voilà. Est-ce ce qui est mon cas. Et sur le site, sur le sapin sucre d'or, moi, c'est un 10. C'est un 10. Moi aussi. Posé, admis. C'est le film d'horreur de Noël. Moi aussi, c'est l'échelle sapin sucre d'or, j'ai. Est explosé. C'est ça. On passe au dernier. Un peu comme Tricorté avec Halloween en fait. Voilà, en fait, le problème c'est que Doug Yerty, tiens, le prochain étape c'est qu'il va faire un truc de Pâques, tu sais. J'ai envie qu'il fasse toutes les fêtes, tu vois, avec un lapin, je sais pas, avec un lapin tueur. Enfin, Easter Slasher, je sais pas, mais. Tu sais, il fait un spin-off des 5 légendes avec le lapin Hugh Jackman, tu sais, avec une Gatling, enfin, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on passe à ton dernier film? On peut passer à mon dernier film. Alors, donc qui est le film de festival de la sélection. C'est le film à voir entre potes. C'est ça. Donc on est sur Watch Out, donc qui s'appelle dans son titre original Better Watch Out, en référence encore une fois à la chanson populaire de la Noël. De la Noël. De la Noël. Le film est sorti donc le 22 septembre 2016 au Fantastic Fest, il est sorti le 6 octobre 2017 aux US et le 30 décembre 2017 en France seulement en DVD Blu-ray, pas en salle. Il a fait le pif, il a fait le pif, c'est écrit sur la jaquette du DVD. Il a fait le pif, ouais. Donc il s'appelle Better Watch Out aux US, qui s'appelle Cuidado con los extraños, ou Méfiez-vous des étrangers, en espagnol. Ouais, titre de film, on précise, c'est un titre de film. Et étranger dans le sens où tu les connais pas, parce que sinon c'est extranjeros, étrangers, ouais. Voilà. Voilà, stranger, pas foreign, voilà. donc réalisé par Chris Peckover, qui a fait un film d'horreur qui s'appelle Undocumented. Oui, qui est très bon. Que j'ai pas vu, mais très perturbant. On va dire c'est un film qui est à la frontière américaine, si je dis pas de bêtises, frontière mexico-américaine, si je me trompe pas. Et qui, alors, peut-être que je confonds complètement les films, mais il me semble que c'est ça. Et qui est une espèce de documentaire, qui prend la forme d'un documentaire qui est très très déstabilisant. J'étais très déstabilisé. Ok, et donc c'est écrit par donc Chris Peckover et Zach Kahn, qui a écrit 23 épisodes de la série animée Mad. Pas vu. Moi non plus. Voilà. Au casting, on a Olivia De Jong, donc qui jouait notamment Priscilla Presley dans Elvis. Ouais, dans Elvis, ouais. Et qui jouait aussi dans The Visit, aux côtés de Ed Oxenbould, qui joue donc son frère dans The Visit et qui joue le pote du gosse dans Watch Out. Et donc le gosse en question est joué par Levi Miller, donc qu'on a pu voir dans Un raccourci dans le temps. Ou dans... Pan, voilà, que j'ai pas dire, encore vu. Je sais pas pourquoi, on voulait lui donner une carrière, mais bon, visiblement, le cinéma n'a pas voulu de lui, et on le remercie d'ailleurs. Voilà. Et la mère est jouée par Virginia Madsen. C'est elle ? Ouais. Putain, j'avais pas fait attention. Voilà, donc qui a joué dans Candyman, dans Highlander 2. Une carrière longue comme le bras, enfin, voilà. On va surtout plutôt retenir Candyman que Highlander 2 quand même. Voilà, donc à la musique, on a Brian Caccia, qui a été sur la supervision musicale de Sucker Punch, Super et Halloween 2 de Rob Zombie. Ça va. Voilà. J'aime beaucoup la BO d'Halloween 2, j'aime vraiment beaucoup. En même temps, je crois que c'était Bates à la BO. Peut-être. Et en chef-op, on a Carl Robertson qui a rien fait de marquant. Voilà. Pourquoi pas. Même si la photo est pas mal. Donc, de quoi qu'est sa cause Watch Out? Et ben Watch Out, sa cause de Ashley. 17 ans. 17 ans. Qui est la babysitter de Luke, 12 ans, bientôt 13. Qui est un petit con, hein. Qui est un petit con. Voilà, une pub pour l'avortement sur pattes. Et Luke se retrouve... à vouloir draguer Ashley. Voilà. Et apparemment, c'est un truc qu'il a en tête depuis un moment, hein, à en croire comment il parle à son pote. Voilà. Alors, sauf que. Précisons, juste, c'est un film qui repose énormément sur ce que le scénario réserve, notamment en surprise. C'est-à-dire, il part d'un point de départ de Invasion. Voilà. Un moment, la maison c'est-à-dire se que... retrouve être la proie de quelqu'un de visiblement mal intentionné. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont trois dans la maison, c'est-à-dire il y a Ashley, Luke et son pote. Et le pote de Luke. Et le pote de Luke qui est juste dans la chambre de Luke en train de faire ce qu'il veut, voilà. Zoner, faire un truc. Voilà. Et à un moment, il y a des problèmes, il y a... Quelqu'un dehors, qui essaye d'entrer. On va faire une partie non-spoiler, parce que vraiment, la partie spoil, c'est... Il y a un twist de milieu de film qui est... C'est quasiment tout le film repose dessus. Enfin. Voilà. Donc voilà. Donc si on reste dans la partie non-spoiler, globalement, toi, t'en penses quoi? Globalement, je suis déjà très convaincu par le cast, surtout par Olivia De Jong. Mm-hmm. Jong, Ashley, voilà. Mais oui, Ashley qui crève l'écran, hein, très clairement. Mm-hmm. Et même les deux gosses sont assez convaincants. Luke s'en sort étonnamment bien. Oui, on en reparlera dans la partie spoiler, mais Luke s'en sort vraiment bien. Et y a du gore, et quand le gore arrive, il est rare, mais quand le gore arrive... Il est léger, il est très léger quand même. Mais il est cool, il est bien fait. On pense à une scène en particulier. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Pour moi, la force du film, c'est en même temps son énorme défaut. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un pur film de festival. C'est-à-dire, c'est typiquement un film, si vous avez l'occasion de le voir avec des potes, ou encore mieux, de le faire découvrir à des potes, oui, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, notamment parce qu'il repose énormément sur son twist, je trouve qu'il tient un petit peu difficilement le revisionnage. C'est-à-dire que moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. La première fois que j'ai vu, j'avais adoré, mais vraiment, j'ai complètement fissuré. Moi, c'était la troisième fois que je le voyais. Bah, je l'avais revu cet été avec Ulysse. Ouais, tu l'as fait découvrir à quelqu'un. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Mmh. Moi, en fait, la première fois, je l'ai vu tout seul et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Bien, très efficace. Vraiment, dans l'efficacité pure, c'est ce qui fonctionne. Et en le revoyant, en sachant comment le film va twister, je trouve ça un petit peu. Pas nul, loin d'être nul, mais je trouve que ça tient un petit peu difficilement. Maintenant, je sais que c'est typiquement le genre de film, j'ai qu'une envie, c'est de faire venir des portes et de faire « Attends, je te fais découvrir un truc. » Genre là, j'ai offert le DVD à un ami, on devrait le voir ensemble en janvier, je lui dis « Ne vois rien dessus, tu ne dois rien savoir. » Et vraiment, c'est le genre de film, c'est un peu comme One Cut of the Dead. Oui. Ramenez des amis, montrez-leur le film et voyez comment évolue leur réaction au fil du film. Ça, ça marche à coup sûr. Est-ce qu'on peut divulgâcher maintenant ? On entre dans la zone divulgachage. Je te laisse raconter. Eh ben, en fait, y a personne qui essaye d'entrer dans la maison, c'est-à-dire que c'était le pote de Luke. Et en fait, tout ça faisait partie d'un plan, à la base, pour séduire Ashley, mais qui va dériver en un plan où il va, bah, globalement, la séquestrer. Et vouloir l'agresser sexuellement, je veux dire. C'est moi, il y a plus d'une scène où je me suis dit, il va la violer. C'est ça. Bah, déjà, il y a une scène où... Bah, Il la touche. Voilà, le pelotage. Le bon pelotage qui est un peu dérangeant d'ailleurs comme ça. Ouais, non mais très dérangeant. Et il y a du coup qui va vouloir buter le copain et l'ex d'Ashley aussi. Dans une scène reprenant Maman j'ai raté l'avion. Ouais, c'est avec un saut, c'est-à-dire que je parlais du gore tout à l'heure, bah, c'est là, c'est-à-dire que oui. Le saut va lui éclater la tête. Alors après, c'est très très très très soft. Hein, c'est... Oui. En fait, le gore est masqué par le fait que c'est un saut de peinture. Du coup, il y a de la peinture partout. Oui. C'est plutôt comme ça que ça joue. Maintenant, ça reste très efficace. Oui. Surtout, il y a un petit ralenti et tout. C'est bien mis en scène. On devine bien que le bonhomme est... Et comme dirait un film que j'ai revu récemment, et toujours mon gros plaisir coupable, il est atteint de décès. C'est dans quoi, ça ? Doom. C'est dans le Docteur Karma. Ah, c'est de décès. C'est de décès. Hein, c'est The Rock qui dit ça, en plus. Ouais, ouais, c'est une phrase, genre, quand je suis malade, tu me vois régulièrement la dire, c'est « Je suis atteint de décès. » Phrase culte. Trop cinéma. Mais voilà, donc Better Watch Out. Et toi, du coup, le revisionnage. Parce que moi, justement, le problème que j'avais, c'est que quand tu sais que le film va twister et que le gamin est un petit con, une espèce de sadique en puissance, en fait, le film, c'est surtout, comment dire, c'est... Il joue surtout sur une tension sur jusqu'où le gamin va aller. Parce que le gamin va pas non plus très loin. C'est-à-dire, il bute quelqu'un, mais une fois que cette scène est passée, entre guillemets, ça va. Ouais. Non, il bute deux personnes. Mais ça... Trois ? Ah oui, il bute son pote aussi. Oui. Il bute son pote. En fait, le film joue sur jusqu'où il va aller. C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire quelque chose à Ashley ou pas ? Et qu'est-ce qu'il va mettre en place comme stratagème ? Et au final, il met pas tant que ça de trucs en place. Par là, je veux dire que, à l'exception du saut de peinture, du faux suicide de l'ex d'Ashley et du meurtre accidentel de son pote, ça va pas très loin. C'est surtout sur des dialogues et sur une tension qui se joue entre les deux. C'est pour ça que je pense que le revisionnage tient un peu moins bien. C'est-à-dire, quand on sait que finalement il va entre guillemets faire que ça, je mets des guillemets parce que bon, c'est quand même. Ça fonctionne, hein, je veux dire, c'est loin d'être un mauvais film. Ça perd un petit peu en valeur, on va dire. Ça perd un petit peu dans la saveur qu'on peut en retirer. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais film ? Clairement pas, et c'est typiquement le genre de film. Si vous avez des potes qui venaient, sortez-le à Noël. Faites en sorte qu'ils ne sachent rien dessus, limite leur montrez même pas la jaquette. Et juste vous leur dites, faites-moi confiance. Et la VO est très très très... Je sais pas comment est la VF, j'ai toujours vu en VO. Et la VO, il y a plein de jeux de mots super efficaces. Non, je crois que j'ai découvert en VO et que je l'ai revu, les deux fois où je l'ai revu, c'était en VF. Et bah, la VF est quand même cool. Moi, on a des bons doubleurs, on est pas en Allemagne. Mais voilà, donc Better Watch Out, très sympathique. Juste ça. Si vous l'avez pas encore vu, vous avez énormément de chances de pouvoir le découvrir. Voilà. C'est surtout ça. C'est ça. Et de le faire découvrir si vous l'avez vu, surtout. Ouais, c'est ça. Et il y a ce double twist, c'est-à-dire qu'à la fin, Ashley donc est laissée pour morte par Luke qui veut mettre ça, qui veut mettre en scène ça comme un meurtre sur le dos de son pote. Non, sur le dos du mec d'Ashley. Du mec d'Ashley où il fait croire à un suicide après. Enfin, oui, c'est bref, ça. Il met tout en scène pour que lui ne soit pas inculpé du tout. Voilà, lui, il fait semblant de dormir dans sa chambre quand ses parents reviennent. Un côté Children of the Corn, un peu les enfants tueurs, tout ça. C'est ça. Et Ashley survit. Elle est envoyée à l'hôpital et tu la vois faire un doigt à Luke. Qui demande à lui rendre visite. C'est ça qui. Alors, tu le vois le faire un doigt, le générique commence, et là, au bout de 45 secondes de générique, t'as Luke qui dit à sa mère Je m'inquiète pour Ashley, on devrait aller la voir à l'hôpital. Voilà, c'est. On recoupe avec Black Christmas comme ça. Mais c'est un film qui fait dans l'efficacité, qui est généreux, tu sais, c'est un film qui est gentil, mon seul problème, c'est que j'aurais aimé un vrai gros pétage de câble. Même si un truc que j'apprécie beaucoup dedans, j'y pense, c'est qu'il n'explique pas le fait que Luke soit juste globalement un trou de balle. Parce que tu vois, si ça avait été du style, je sais pas, il a été violenté dans sa jeunesse, ce genre de truc, là pour le coup, ça m'aurait vraiment gonflé. Là, il n'explique pas. Et tu vois, ce que je m'étais noté dans mes notes, c'est manque un peu de fantaisie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes choc, mais ça, je sais pas, ça. Il manque un truc qui fait que quand je le revois, je me dis ah, ça j'ai hâte que ça arrive. Ça c'est. Mais je me. Ça aurait manqué du coup, enfin ça manque de scènes un peu plus. Enfin de scènes de mise à mort par exemple un peu plus spectaculaire. Bah au-delà de mise à mort, juste d'un côté vraiment vicelard. C'est peut-être aussi mon côté pervers qui veut ça, mais typiquement, le moment où le fait que son pote soit pas forcément en accord avec lui, et que Ashley essaie de lier un lien avec lui pour s'en sortir, ouais. J'aurais aimé que ça se soit un peu plus creusé. Pour qu'il y ait peut-être, je sais pas, une ambiguïté qui s'en sorte entre les deux. Moi, ça m'aurait plu. Après, c'est peut-être aussi mon côté sale con. Et maintenant aussi, un autre truc, je peux te laisser détailler. C'est un film qui joue super bien, je trouve, pas entre l'horreur et l'humour. C'est un peu tarte à la crème, on va dire, de jouer avec ça. Tarte à la crème, entre guillemets. Mais entre l'horreur et le malaise. Parce que tu sais pas, c'est un enfant, donc tu sais, voilà. C'est ça. Je te laisse détailler. Bah, dans le sens où il commet des trucs atroces, mais il a 12 ans. C'est 12 ans, bientôt 13. 12 ans, bientôt 13. Non, mais c'est le. Vraiment, tu le vois mettre en place des meurtres comme ça, et surtout tout organisé façon. Je sais pas, c'est méthodique. Façon psychopathe. Façon psychopathe, animal lecteur, vraiment. Non, mais vraiment, genre, son plan est détaillé de A à Z. Il a prévu les imprévus, c'est-à-dire que. Voilà, le crayon dans la joue, par exemple. Voilà. Non mais il a... C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté, c'est un putain de psychopathe, et il a 12 ans, non, bientôt 13. C'est un peu un mélange entre Maman j'ai raté l'avion, et À l'intérieur. Oh oui. Enfin, un mélange tiré par les cheveux, faut imaginer, mais il y a de ça. Le capillotractage est évident, mais oui. À l'intérieur, c'est un film de Noël en plus. Oui. Putain, j'aurais dû le prendre. J'adore ce film, j'adore En intérieur. Faut que je le revoie. C'est incroyable, je trouve ce film fantastique. Recommandation rapide, si vous avez l'occasion de voir À l'intérieur et que vous avez l'esprit bien accroché et que vous n'êtes pas une femme enceinte, allez-y. Je mets l'accent sur vous n'êtes pas une femme enceinte. Oui, vous voyez pas si vous êtes une femme enceinte. Ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage auquel vous tenez qui est enceinte, ça peut laisser un sale goût dans la gorge, que c'est. Voilà. Mais, bon, Better Watch Out, le conseil que je pense qu'on se mettra d'accord, qu'on peut donner, c'est inviter des potes. Voilà, ne leur dites rien. Pizza, coca, mettez-vous bien, bière pour ceux qui boivent, coca pour ceux qui boivent pas, et voyez-le. Et vous verrez, au bout de 30, 40 minutes, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose. Bah, le fait qu'il devienne, qu'il se révèle être un psychopathe, et c'est un plaisir. Et Levi Miller et joue bien mieux que dans Pan. Que j'ai pas vu, du coup. Qui est compliqué, le problème de Pan, c'est qu'il est pas intéressant, en fait. Tu le vois, tu fais, oui, bon. Ok. Même Hugh Jackman dans Captain Crochet. Ça, bah, il a une sympathie naturelle, mais il n'est pas incroyable non plus. C'est. Ok, ok. Sur l'échelle du sapin sucre d'orge, c'est pas le. 7. Ouais, un petit 7, tu vois. Un petit 7, un ouais. Un petit 7, parce que ça se passe à Noël, mais en même temps, c'est. À part les décorations, t'as pas grand chose qui oui. Te dit ça. Bah d'ailleurs, elle est pas ligotée avec des guirlandes de Noël, justement, Ashley, à un moment. Non, elle est. Ligotée, elle est scotchée. Non, il y a deux, ligotages, je crois. Oui, j'ai aussi. À un moment, il y a des guirlandes. À un moment, il y a des guirlandes. Je crois qu'il y a la force des guirlandes, justement. Ça pourrait. Si, après, il y a le fait que son ex, là, il écrit une lettre pour elle, enfin, qui fait passer pour une lettre de suicide après. Ouais. C'est un film qui est vicelard, mais juste. C'est juste le revoir quand on sait, ça peut être un peu déceptif, on va dire. C'est juste ça. On clôture le sujet. On clôture l'épisode. Hey, il est court l'épisode. Épisode court pour une fois, ma foi. Joyeux Noël, c'est un cadeau. Et aussi, aucun mauvais film ici. Sauf Black Christmas, peut-être Black Christmas 2006. Mauvais film, peut-être. Plaisir, toujours. Toujours. Je répéterai beaucoup ce film, ça pour ce film. Rapidement, est-ce que tu aurais des films de Noël fantastiques ou pas, peut-être plus fantastiques quand même, à recommander? Alors, j'en ai deux. Moi j'ai Les 5 Légendes. La musique. La musique est excellente. C'est mon Dreamworks préféré. C'est mon Dreamworks préféré, Les 5 Légendes. Shrek quand même. Moi j'aime beaucoup Shrek. Après Dreamworks, c'est pas parce qu'ils ont fait plein de trucs aussi, donc c'est. Oui. Mais Les 5 Légendes, très. Les 5 Légendes, incroyable. Il y aurait éventuellement 35 Scopes par Noël. Oui, qui est film français, René Manzor. Qui est Népotisme, Lalanne, le film. J'y pense aussi, rapidement, Better Watch Out, trouvable en France. DVD Blu-ray, et il est sur Netflix, je crois. Peut-être. Il est sur Netflix allemand. Ok. Je le sais parce que j'ai Netflix allemand par défaut. Mais il me semble qu'il est sur Netflix français, sinon DVD Blu-ray, vraiment, là dans la sélection, il n'y a rien qui était très dur à trouver. Voilà. Mais ouais, c'est un népotisme à la lane, oui, parce que t'as les lalanes à tous les étages. C'est ça. C'est-à-dire au scénario, à la musique, au jeu aussi, parce que le gamin, c'est le fils de René Manzor, qui est donc le neveu... De Francis Lalanne. Enfin, le gamin est le neveu, du coup, parce que René Manzor s'appelle René Lalanne, en fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, et c'est tout. Ouais, 5 légendes, 36-15, les mamans, j'ai raté l'avion. Oui. Moi j'aurais à dire, comme j'ai dit, Père Noël Origine en français, donc Rare Export en anglais et Père Noël Origine en français, Synth, du coup de Dick Mas. Oh Hey Good Jules dont j'ai parlé, c'est si vous êtes un public averti, on va dire. Public averti et client de ce genre de film très très très déviant, on va dire. Et après, j'aurais tendance à recommander les deux premiers Silent Night, Deadly Night. Pour des raisons différentes, le premier... Pourquoi le 2 ? Le 2 est un excellent nanar. Le 2 en anglais est un excellent nanar. Oui, mais je veux dire, le français, 2... il est chiant, mais en anglais, il est très drôle. Mais le 2, c'est niveau foutage de gueule. Enfin, je veux dire, la moitié du film, c'est des flashbacks. Enfin, oui, c'est des trucs du premier. J'ai vu La Colline à des yeux 2, mec. J'ai vu des flashbacks de chien. Je l'ai vu aussi, j'ai vu les 4. Les flashbacks du chien. Mais oui, le 2 est un foutage de gueule, mais t'as un bon nanar qui se fait en début de soirée. Tiens, tu le laisses tourner en fond, ça passe. Oui, voilà. Et le premier... Tu montes le son pour Garbage Day, et puis voilà. J'avoue que le premier, j'ai une grosse sympathie pour lui. Il est pas incroyable. Il est sympathique. Voilà. Après, dans les suites, le Yuzna, c'est le 4. C'est le 4, ouais. Il est pas mal. D'ailleurs, il y a un coffret Blu-ray avec 3, 4, 5 qui va sortir aux US. Ça m'intéresse. Mais tiens, le 4 est pas mal, après c'est pas non plus incroyable. Maintenant dans les films, j'avoue Violent Night, que j'ai vu récemment, j'ai trouvé très sympathique, alors, très bête. J'ai failli le voir hier, ça fait plusieurs fois que j'ai failli le voir, mais qu'à chaque fois j'ai des problèmes d'emploi du temps, je le vois demain, logiquement. Tommy Wirkola, qui l'a réalisé, c'est un honnête artisan, il avait fait Dead Snow 1 et 2, j'aime beaucoup le 2, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Red vs Dead, en tout cas. Ouais, le 1 est très très gore, et le 2 est très très bête, mais... C'est toujours, je prends toujours pas mal de plaisir, c'est aussi lui qui a fait Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Ah bah qu'on voit demain. Oui, qu'on voit demain ensemble, la projection de la grotte chaude. Film compliqué. Bah qu'on voit hier du coup, au moment où sort cet épisode. Au moment où sort cet épisode, exactement. Et là en fait, David Harbour s'impose pour développer une sympathie naturelle. Je sais pas comment il fait, il a un côté tout naturel. Et, même en Red Guardian, je sais pas comment il fait, mais... Bah, c'est ça, et là il s'en sort pas mal. Et j'avais très peur au début que le film soit, genre, je spoil pas, t'en fais pas, j'avais très peur au début que le film soit uniquement des gags de paix et de vomi, parce que ça honnêtement j'aurais pas tenu, mais le film développe autre chose, il est peut-être un chouïa long, il a un petit peu de longueur quand même, mais à partir d'une certaine scène dans une cabane, j'en dis pas plus, le film donne un coup de boost, et à partir de là jusqu'à la fin c'est super fun, il y a John Leguizamo, on ne dit jamais non à John Leguizamo, il est gentiment gore le film, honnêtement ça passe, ça fait un petit plaisir, et un autre film de Noël, qu'on n'a pas pris, mais qui est un culte parmi les cultes, Gremlins. Gremlins, évidemment. Qui est un chef-d'œuvre. Enfin bref, Les films fantastiques de Noël, après, moi, il y a évidemment celui dont j'ai parlé, Phantom of Fate, aussi que j'aime beaucoup, ouais. Et le Zemeckis. Que j'ai découvert très récemment. De Zemeckis ? Ouais. Il est pas mal. Qui est bien. C'est pas le meilleur de la trilogie, j'avoue que j'ai une grosse sympathie pour Beowulf, perso. Et que j'ai pas vu. Mais en film de Noël, il y a ma copine qui m'a fait découvrir l'année dernière, Klaus. Oui, qui est Klaus. Qui est incroyable. Bah, je trouve que Klaus, l'animation est magnifique. Bah, l'animation est très tout déchire dans Klaus. Vraiment, Klaus, c'est génial. Donc voilà, c'est vrai, vous avez une petite liste. Et pour l'année prochaine, on cherchera. J'espère qu'on aura des bons films qui sont sortis d'ici là. Parce que malheureusement, on va pas détailler là-dessus. Mais les bons films d'horreur de Noël, il n'y en a pas autant que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Il y en a même pas mal. À nouveau, si on fouille dans le DTV de merde. Voilà, c'est-à-dire que. On a une ligne éditoriale sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est qu'on veut pas vous proposer de la merde. On peut proposer des trucs pas incroyables, Black Christmas 2006, mais qu'on peut défendre ou devant lequel on peut passer à peu près un bon moment. Mais typiquement, on va pas aller vous proposer Krampus The Reckoning, enfin... Mother Krampus. Le 1 et 2. je m'étais fait un double programme, ça avait passé une excellente soirée. Mais ils sont courts en plus, ces films maintenant, ils durent pas genre... Ouais, ça dure toujours... Tiens, plus d'une heure. Et c'est des films qui sont... Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Tu sais que je m'étais fait Thanksgiving 3 et Amityville Thanksgiving. Ouais, tu me c'est de la merde. C'est de la merde. Donc qu'est-ce que t'as mis de vous? Non mais Thanksgiving 1 a un truc où c'est juste. Déjà il est court, il dure 1h06, un truc comme mais ça. C'est ce genre de film où je pense que c'est comme Birdemic, genre ils ont une bonne idée au départ. Et après, ils voient que le film plaît pour un certain public. Après, ils se disent, je vais faire le film pour ce public. Parce que du coup, ça devient une espèce d'auto-caricature qui marche plus. Bah, littéralement, Thanksgiving 3, c'est... Il y a Thanksgiving 2 qui existe, qui est le pire film du monde. Et le but de la dame tueuse, c'est de retrouver la dernière copie existante de Thanksgiving 2 pour un projet machiavélique, sauf que t'as des extraterrestres qui veulent l'en empêcher. Voilà, et moi, j'avoue, ce genre de film... Je peux comprendre qu'on trouve ça vite fait fun, mais moi j'avoue, c'est fun si c'est des courts-métrages. C'est ça. Sauf que le 2 il dure 1h40, ta grand-mère. Oh putain, c'est comme Gingerbread Man. Le premier, il est sympa la première fois. Je l'ai pas vu, j'ai le DVD mais je l'ai pas vu. Toutes les suites c'est compliqué. Même le Versatile Bang. Je déteste. Donc c'est pour ça, on va trouver. On en a quelques-uns en tête pour l'année prochaine maintenant. À voir. Mais tu vois, ce que si, ça reste à voir. Est-ce qu'on prend des films tournés autour de Noël ou qui se passent à Noël? Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Genre, Édouard Main d'Argent se passe techniquement à Noël. Mais c'est pas un film de Noël. Édouard Main d'Argent se passe sur une durée assez longue. Mais il y a. J'ai souvenir d'un gros truc avec Noël en fait. Un truc comme ça. Non, il y a un moment où Édouard fait des statues de glace. Ou alors je dis complètement de la merde. Il fait des statues de glace, t'as Winona Ryder qui sort de chez elle. T'as la scène où il est. Et où justement il est en train de tailler la glace et ça fait comme de la neige. Une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Oui. Donc voilà, c'est. On va trouver. En tout cas, déjà merci d'avoir écouté l'épisode. Oui, merci beaucoup. A priori, quelques jours après ou avant la sortie de l'épisode, il y aura la dernière critique sur le site qui est une rétrospective sur Sega Annabelle. Yes. Écrite par mes bons soins qui sortira. Alors. Est-ce que c'est une saga que j'aime? Non. Est-ce que c'était intéressant d'en parler? Pas forcément. Mais est-ce que c'est intéressant de voir l'impact qu'elle a eu? Oui. À savoir aussi, du coup là, le prochain épisode c'est le participatif. Oui. À voir du coup comment on va s'organiser pendant les vacances de Noël pour le sortir. Voilà, donc vous nous avez proposé des films et... La sélection a été faite. La sélection est déjà faite, voilà. On s'était mis en règle que ça doit être des films qu'on n'a pas vus tous les deux. Oui. Mais on n'a pas pu faire la totale avec ça, donc on a chacun sélectionné un film. Donc au final, il y a 3 films qu'aucun nous donne. 4. On a dû en remplacer un. Oui, 3 films qu'aucun nous deux a vu, un film que seulement Corentin a vu, un film que seulement moi j'ai vu, et un film qu'on a vu tous les deux il y a longtemps, mais qui est dans notre plaisir de voir. Qu'on a envie de revoir. Donc on a celui-là qui va sortir, également les fameux bilans de fin d'année, etc. On va en faire. Peut-être pas en épisode plus en critique écrite, parce qu'en fait ça demande des... On a chacun des listes différentes de rattrapage qu'on veut faire ou autre. On va s'organiser, ça sortira sur le site, oui. Tranquillement. Et puis voilà, bah écoutez, merci à vous et joyeux Noël. Joyeux Noël. Et à la prochaine épisode.